Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culturims, le podcast de la culture avec un groupe. Attends, il y a un souci. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui devient qu'on fait? Non, c'est Culturims, le podcast de la culture avec un gros cul. Oui, le gros cul, c'est toi. Et là, on enregistre. Grey, est-ce que t'es content d'être avec moi aujourd'hui? Ah, parce qu'on est dans qu'est-ce qui vient là? Allez, moi, j'avais accepté d'être un guest. Qu'est-ce que... Ouais. Du coup, je suis avec Thomas. Salut Thomas. Hey, salut les gars, putain, ça fait plaisir d'entrer dans la team Culturims. Ah putain, enfin. Par contre, j'ai des bruits parasites. Vous les avez vous aussi les gars dans le casque? Ouais, c'est chelou. Et comme vous l'avez entendu, je suis avec Flony aussi. C'est quoi? Chris? Les gars, je crois qu'il y a un souci. Je crois qu'on est sur le même canal. Là, on doit enregistrer. Qu'est-ce qui devient sur un putain d'acteur? Bah nous aussi. Nous, c'est un Culturims sur un putain d'acteur. Vous parlez de qui? Bah écoute, le plus on dit le nom à trois. Ok, on dit ensemble le nom à trois. Un, deux. Un, deux. Trois. Keith Myers. J'ai une blague, les mecs. Vous êtes. Vous êtes fait avant. Enfin, il y a un truc qui. Non, mais même pas. Non, même pas. C'est un sketch. C'est une mauvaise blague. Non. Bah oui, alors c'est une mauvaise blague parce que c'est qu'est-ce qui devient, mais sinon, non. Bon bah. Mais attends, Grey, même si les balles sont tirées à réel. Voilà, ils sont un peu casse-couilles, mais est-ce que t'as envie qu'on fasse un truc avec eux là aujourd'hui? Non. Ah moi j'ai perdu la notion d'envie il y a deux ans quand je suis devenu dépressif. Hein. maintenant on y va, c'est parti. Eh ben écoute, bienvenue dans ce nouvel épisode de Qu'est-ce qui devient fit culturisme. Avec un gros cul en plus. Oui, avec un gros cul. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui ne doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches pourries de faisceaux. Ce type-là est un professionnel. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Je ne veux même pas me faire reculer sous prétexte que c'est un ami. Bonjour, bonsoir. Je présente qu'est-ce qui devient. Voilà, c'est ce qu'on appelle un coup d'État. C'est tout, ni plus ni point. C'est incroyable. Alors on va pas se mentir, ça va peut-être augmenter la qualité. Ah non, par contre, je ne fais pas le montage, hein. Tu restes le monteur officiel. Je t'ai pas dit. Ouais, bah voilà. Désolé. Vois, ça vient, ça prend le truc bien, tu vois. Animé, qu'est-ce qui devient? On va tous le faire. Par contre, le montage, c'est pour Bibi. On est bien là, on est bien, les gars. Et aujourd'hui, est-ce qu'on parlerait pas du plus grand acteur? Je veux pas dire de sa génération, mais. Bah, on peut le dire. Oui, non, mais c'est même au-delà de sa génération. C'est le plus grand acteur au monde. C'est Keith Myers. Oh, je mets ma pièce sur Frank Stallone, mais. Bah, ouais. Pour moi, c'est le top. C'est le taulier. Bah, c'est le taulier. Moi, je vous avoue, je suis un peu ému de faire cette émission avec vous. On refait peut-être les présentations un petit peu mieux, hein, pas dans le brouhaha. Donc, je suis avec Chris. Salut, Chris. Salut, Florent. Ouais, bah, ça va et toi? Ça va, je suis impatient d'enregistrer sur Keith Myers. On vient de faire Brad Pitt, James Cameron, donc on monte en qualité. Oui, là. Bah c'est, et là, c'est on sûr. Au summum. Bah, et puis au summum, comme le disait le très célèbre groupe de rap, je ne sais plus qui c'est. Ouais, bah plus personne. Voilà. Allez. Farandole. C'est qui? Farandole, je crois. Ouais, Farandole, allez. On a, on est aussi en compagnie de Thomas. Salut Thomas. Bonsoir à tous, mais quel plaisir de faire ce crossover. Mais oui, mais bien évidemment. Oh là là. Nous sommes avec Grey aussi. Salut Grey. Bonsoir. Enchanté. Il fait le timide. Enchanté, Culturims. Oh putain. Oh putain, il a bien prononcé. Toi, t'es mon préféré. Tu viens de passer au-dessus de Chris. Il faudra le dire, c'est toi qui le dis. Moi, je dis toujours culturisme. J'arrive pas. Vous, il y a Rime comme Rime Job. Rime Job. Plus personne ne veut aller voir ton historique internet. Et je suis crying Minivati. Et je suis aussi en parlant de ça avec Flony. Je sais pas pourquoi en parlant de ça, mais en tout cas. En tout cas, content d'être avec vous, et je vois que surtout, enfin, on l'a pas assez cité, mais Kip Meyers, quand même, c'est le mec qui arrive à nous rassembler ici ce soir, et du coup, bah, oui. C'est avec grand plaisir, et merci à lui, merci de faire tout ce qu'il fait, et on va pouvoir en parler ce soir. Oui. Quoi. Donc voilà. Non, ça m'émue. C'est incroyable, mais c'était vraiment un des gros dossiers, je l'attendais pas si tôt dans mon émission, c'est vraiment un gars que je gardais pour plus tard. Mais là, je me suis dit, allez, il faut qu'on fasse une. Bah oui, c'est sûr, il fallait. On pouvait pas passer à côté. Non, on peut pas. Ben non, ces films, ça berce tout le monde, c'est incroyable, il y a du très très lourd, et moi je m'en réjouis d'en parler. Gray, comment est-ce que tu as rencontré, t'as connu comment Kip Meyers? Alors j'ai pas connu avec ses premiers films, je reconnais que j'étais un petit peu, comme on va dire en termes d'âge, j'étais un peu trop jeune pour avoir vu ses premiers films à l'époque de leur sortie, donc moi je l'ai vraiment connu post-docteur Brutulure, donc ça c'est vraiment la partie là où je l'ai connu de nom, et parce qu'il était sorti je crois juste un an avant Spider-Man 2, et c'est à partir de ça j'ai commencé à vraiment à m'intéresser au cinéma. Donc du coup, ouais, c'est à partir de là où je l'ai connu, et ensuite j'ai refait ma culture en regardant ce qu'il avait fait avant, dont notamment un de mes films préférés, dont on va parler ce soir. Ah, grosse liste ce soir. Hein. Belle sélection, clairement. Ouais, voilà, moi c'est comme ça que je l'ai connu, c'est le docteur en 2003, puis après j'ai fait mon rattrapage. Et toi, tu l'as connu comment alors, parce que tu es d'une génération un peu plus ancienne que la mienne. C'est une vieille merde. Écoute, hein. j'ai l'impression que je l'ai toujours connu. Je veux dire, il n'y a pas un an sans que j'aille au cinéma voir un Kip Meyers. Là, ma fille a 6 ans maintenant, donc j'ai fait découvrir ses films. Je veux vraiment qu'elle devienne cinéphile, donc obligé, c'est Kip Meyers, ouais, tu bien vois. Sûr. Florent, oui. Parce que j'ai compris, ta femme est dingue de lui. Ah bah ma femme est dingue de lui, et après bah voilà, après moi on comprend, il est beau, il est charismatique, il a tout pour lui contrairement à moi. C'est bien de le reconnaître. Mais non, mais voilà, mais c'est un truc de fou, parce que en fait on s'est connu via son fan club, parce que moi quand j'étais gosse, mon père m'avait acheté les VHS de Alabama Smith, et franchement je les ai poncés, ces cassettes. Je crois qu'il y a même plus la bande maintenant, tellement je les ai regardées. Et maintenant, je fais découvrir ça à mes enfants aussi. Et c'est un bonheur de voir leurs yeux émerveillés devant les aventures de ce grand bonhomme, quoi. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Mais oui. Bah écoutez, on va faire un peu sa vie, hein. Ah ouais. Donc, Kip Meyers, donc son vrai nom, Bernard Bouloche. Ça par contre, ouais. En Suisse. Ouais, ça par contre, désolé. Donc il est suisse-australien, donc sa mère était australienne, et il s'est naturalisé très vite américain, donc il est né en 1962. D'ailleurs, sa mère est australienne, et je crois qu'il fait partie, enfin, grâce à sa mère, par alliance, il fait partie de la famille Hemsworth. Mm-hmm. Je crois qu'il a un lien de parenté. Ça doit être l'oncle, un truc comme ça, de Chris Hemsworth. Enfin, je sais plus. Il y a un lien de parenté. Mais c'est une famille qui était vraiment en cinéma. Sa mère avait fait une apparition dans Crocodile Dundee, par exemple. Et c'était apparition déjà remarquée. Tu voyais déjà la beauté de la mère. Bah, fils ne pouvait qu'être bien. Quoi. Ah bah c'est sûr, ça c'est sûr. Mais tu sens que c'est une famille, tu sens que tout ça c'est une famille dont... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le cousin, c'est le réalisateur de Mad Max. Oui. Vraiment, même le cinéma indé, les blockbusters, vraiment, la famille Hemsworth, il est né dans le cinéma, il a toujours grandi là-dedans, vraiment, ça se voit, quoi. C'est vraiment... Ça se voit, ça sent dans sa façon de jouer, quand il a connu. Il a une façon de jouer qui a tellement de texture. Ouais, bien et sûr. Ça, quoi, vraiment. Et parallèlement à ça, tu dis que sa mère justement, elle était un peu dans le ciné. Alors son père pas du tout, hein, on va pas se mentir, son père suisse, bah voilà, il était fromager. Mais mine de rien, pour la petite histoire, c'est pas sa mère qui lui met le pied à l'étrier. C'est vraiment un mec qui rentre dans la fromagerie de son père et qui le voit agir, qui le voit s'occuper des fromages, manipuler les fromages, et qui se dit, putain, se mouvoir tout simplement, et qui dit, ce mec-là, franchement, je le verrais bien au cinéma. Ouais. Malheureusement, Bon, c'était pour un porno. Et bah oui. Bah, bon, après, sait, hein, ça, il est quand même rentré, pas que dans le cinéma du coup, mais il est rentré dans le cinéma quand même. On en peut même pas lui enlever. On voit manipuler autant de liquide blanc. c'est ça en fait. C'est pas l'imagerie qui se met tout le temps en place. Oh, les gars, respectez cet acteur s'il vous plaît. Ouais, ouais. Non, alors, il a pas enlevé ça. Ne le cache pas que son premier film, donc qui s'appelait Levrette sur le lac Léman. Son premier film où il s'est fait surnommer le bâton de berger suisse. Autant maintenant, il a essayé de récupérer toutes les bandes, même si bon, on a tous vu les photos. On l'a tous vu. Il a complètement explosé dans ce film. Et mais d'ailleurs, dis, c'est pas. C'est explosé, pas... c'est dans le vrai sens du terme. Hein, je veux dire, il a gagné le prix de l'éjaculation. Ah, c'était fou. Ouais, voilà, c'est ça que j'allais dire. Ouais. Porno, quoi. On l'a tous vu. Quoi. Ouais. C'est à tel point que. Bah, que c'est même un truc, en c'est. Motion, c'est même explosif. En ralenti sur la scène, ça va trop vite. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais ça m'étonnerait même pas que pour certaines scènes d'explosion, Bale, pour ses films, il est pris. Michael Bay. Ah ouais, Michael Bay. Oui. Qu'il est pris. Bien sûr. Enfin, cette explosion est quand même assez incroyable. Enfin, après, c'est sûr qu'on parle d'une éjaculation, comme ça, vous dites, les mecs, vous exagérez. Mais franchement, je vous invite. À aller il voir. Il s'est inspiré de ça, c'est bien sûr. Bah, c'est sûr. Non, mais c'est sûr et certain. Non, mais il y a éjaculation et éjaculation. Et d'ailleurs, j'ai fait quelques recherches sur ce film. Parce que, bon, je suis quelqu'un qui a des recherches internet bizarres. qui aime les recherches étranges. En historique Google, du coup, j'ai vu. Alors justement, j'ai vu que ce film, il avait inspiré pas mal d'acteurs porno connus aujourd'hui, notamment James Dean, qui le cite souvent comme ses films de chevet. Et une des raisons pour laquelle il a été, il est entré dans le cinéma. Et j'ai vu aussi une citation directe de Adriana Cechik qui dit, je cite, Voilà. Elle est extraordinaire. Mais en tout cas, voilà pour dire le vrai sur le lac Léman, vraiment ça y va. Quoi. Et le paysage. Ça a plusieurs fois qu'on y. Non, mais bien sûr, mais à l'époque, pour l'époque quand même, c'est quelque chose où en plus d'être bien sûr un film porno où il y a quand même des scènes très trash. Derrière, avec cette vue sur le lac Léman qui est quand même. Oui, parce que ça a été tourné là-bas, vraiment. Non, mais c'est ça, c'est incroyable. Sur le ponton, la scène sur le ponton, je pense que vous l'avez tous en tête. Enfin, c'est quand même extraordinaire où le mec la prend assez sauvagement. Et derrière, il y a ce paysage si calme. Qui en fait fait un contraste. C'est ça, mais c'est clair. Incroyable. Mais après, voilà, tu parlais de l'éjaculation, mais moi, c'est ce que je trouve fou, comme je connais un petit peu Kip Meyer, c'est tout ce qui peut se rapprocher de lui, de plus ou moins loin, c'est que le gars, ça a même, la scène de l'éjaculation, ça a même été un mème au Nicaragua, ce truc. C'est quand même. Oui, clairement. Enfin, je veux dire, c'est là où tu vois l'aura du mec. Quoi. C'est pas anodin. Enfin, faut quand même, les gars, faut souligner, et je pense qu'on n'en parle pas assez, outre l'aspect décor que moi je trouve vraiment exceptionnel dans ce film, il y a une vraie profondeur, il faut quand même se rappeler que le film a été tourné en janvier, et je trouve que ça, franchement, là, il y a une vraie presta de l'acteur, parce que sinon, enfin, je veux dire... Il nous a quand même complexé, hein. Ah, il nous a complexé pour un mois de janvier, moi. Ah oui. Et c'est ça le pire, c'est que c'était en hiver. Ah ben oui. Donc imaginez, on aurait fait ce tournage en juin. Ah mais là, on voyait un autre film en fait, concrètement. Bien sûr, vraiment, c'était une éclipse solaire en fait. C'était clairement, enfin, le gars, voilà, un bras d'enfant tenant une pomme, quoi. Enfin, c'est assez incroyable. L'actrice Avalala Tchata qui était avec lui a arrêté le porno directement après. Tellement, voilà, elle a dit, il a mis la barre très haut. On l'a vu. Vu les positions qu'il prenait, tu m'étonnes. Mais de quelle barre parle-t-on? Je crois que c'est vraiment elle, après le film, en fait, c'est à son tour, c'est elle qui a touché le fond. Hein. C'était chacun leur tour. Putain, c'est horrible la conversation. On peut avancer parce que je sens que sinon on va rester bloqué sur ça. Non, il y a c'est la première fois qu'on parle d'un porno dans Qu'est-ce qui devient. Ouais, mais chaud. C'est un porno que quasi tout le monde a vu. Donc, pour rester sur Avalala, et elle avait aussi arrêté ça parce que du coup, le problème qu'il y avait post cette scène, c'est que dès que les gens parlaient un peu trop fort à côté d'elle, il y avait un écho qui s'était créé. À cause de ça, et du coup, il y avait une résonance, et du coup, en termes de son, c'était devenu impossible, donc elle a été obligée d'arrêter sa carrière à cause de ça. C'était un vrai problème, hein, rétroactivement. Ah, bah, forcément. Forcément, de toute façon, dès qu'on parle de l'arrêt d'une carrière d'une actrice ou quoi que ce soit, ou d'un acteur, c'est toujours compliqué, quoi. On parle rarement de l'arrêt des actrices porno. Mais écoutez... c'est bien dommage parce que je pense qu'il y a un vrai sujet. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On va pas. Recentrons le débat, s'il vous plaît. Recentrons le débat. Monsieur Pujada, voyons. public. Non, mais là, après, donc, ouais, on va pas rester sur le porno, non, parce qu'il y a quand même des enfants. Bien sûr. Non, voilà. Et même, je veux dire, au bout d'un moment, enfin, c'est pas que ça, sa carrière cinématographique, ça, c'est un grain de sable dans la chaussure, quoi. Bah donc, oui, non, mais bien sûr, faut bien commencer bien quelque part, et c'est là qu'il s'est fait reconnaître, quoi. Ouais, voilà, c'est sûr. Oui, qu'il a fait son trou, voilà. Allez. Oh là, elle est facile, mais allez. Ah, fallait la faire. Fallait la faire. On la prend. Et donc, vu qu'il il travaillait toujours avec son père, il était dans les montagnes, il a appris qu'on tournait un film pas loin, qui était Les Bronzés font du ski. Petit film, petit budget, ouais, tout. Enfin, il a été là-bas et il est devenu figurant. Et oui. Il fait quel rôle, dis-moi, Flony ? Mais alors moi, je me suis renseigné sur la chose parce qu'en fait, je me suis dit, mais attends, j'ai vu Les Bronzés un milliard de fois, j'ai jamais fait gaffe. Non, mais c'est ouf. En fait, le mec est figurant. En fait, il est juste figurant, ah oui. Et le mec est dans le public et au bout d'un, enfin dans la station, et au bout d'un moment il fait ouh, et ouais. Tu regardes et tu fais what, putain, mais il est là depuis le début, mec. Oui, mais j'ai jamais fait gaffe, quoi. En fait, tu fais pas attention parce que effectivement il est dans la station et c'est pendant que Christian Clavier descend, ouais, fait voilà, sa ski, exactement. Il est ouh, enfin, et tu mais en fait tu le regardes, tu le regardes tellement comme ça, tu regardes Christian Clavier, et si tu regardes les figurants, tu vois sa tête, tu le reconnais en plus. Et en fait, une fois que j'ai vu l'anecdote en fait, et que j'ai rematé le film, bah en fait tu te dis, mais putain, mais comment j'ai fait pour passer à côté, comme si c'était un easter egg qui était là et que tu voyais bien pas, sûr. Alors que le truc il est énorme, quoi. Vas-y, Thomas. D'ailleurs, il y a un petit faux raccord, ou alors c'est peut-être volontaire, je sais pas, mais on le voit également après, dans 10-15 minutes après, on le voit dans la scène de la crêperie. Alors je sais pas si c'était volontaire ou question budget, mais en fait on le voit juste de dos, au loin. Mm-hmm. En effet, en regardant quelques vidéos YouTube, j'ai vu que c'était lui aussi qui faisait la figure. Donc, putain, après, énorme. C'est normal, sur les films, les figures. Ouais, bien sûr. Normal. Voilà. Bah non, c'est une station de ski, je veux dire, ils sont pas des millions non plus. Ouais, voilà, c'est ça, il faut trouver. Oui, faut trouver. Après, je suis pas sûr, parce que je crois que les Cinemascenes avaient été débunkés sur cette vidéo par rapport à cette anecdote. Hein, mais ce serait pas surprenant en même temps, hein, parce que. Alors après. Même s'il est là en tant que juste une petite apparition, ça reste quand même un acteur de renommée. Bon, pas encore à ce moment-là. Non, c'est sûr. Il a déjà quelques. Il y a déjà quelques billes dans le domaine, donc forcément. Après, pour la petite histoire, je sais pas si vous êtes au courant, si vous le saviez, mais c'est pendant ce film-là qu'il aura sa première vie amoureuse, on va dire. Il va être, on va dire, dépucelé de l'amour. C'est là, ouais, qu'il rencontre Josiane Balasco. C'est de l'amour, c'était. Voilà. Parce qu'il a déjà fait porno, donc voilà. Mais qu'il rencontre vraiment son premier amour, et ce sera Josiane Balasco. Et ça, je trouve ça fou. Il y a beaucoup de l'amour. Non, mais ça Josie, comme il aimait la. Ah oui, mais oui. Bah alors, c'est juste un surnom. Je vois. Enfin, non, mais par contre, si vous commencez à rigoler de Kip Meyers, moi, ça va me. Mais non, mais c'est vrai que Josie, c'est marrant, frère. Tu te dis. Non, les gars, imagine le mec. Il y a un moment donné, il faut respecter la personne. Non, et Josiane Balasco fait partie des personnes qu'il faut respecter aussi. Tu fais forcément entre l'association entre ce qu'il a fait dans le film porno. Mais bien sûr. Mais moi, je comprends. Là, ok, c'est drôle. Mais oui, mais c'est pour ça. Et tu vois, tu l'imagines entre Josie et tout. Enfin, voilà, c'est normal. Oh, dis donc. Enfin, forcément, tu vois, c'est. Ok, non, mais d'accord. Apparemment, c'est après avoir vu son rôle dans Le Vrai sur le lac Léman, elle a vraiment envie de le rencontrer quand elle a vu qu'il était sur le tournage. C'était devenu un fantasme, hein, pour. Ah bah clairement. Voilà, ah bah, et puis pour Marianne Chazelle aussi, mais bon, c'est Josiane qui a raflé la mise, hein. Ouais, mais bon, bah, Marianne. Et je comprends Kip, hein, parce que quitte à choisir, j'aurais aussi tapé dans Josie à l'époque, hein, on va pas se mentir. Ah bah, on a des trucs qui sont révélés. C'est bien. Josie ou Marianne Chazelle, faites votre choix. Ouais. C'est le nouveau truc de Combini, c'est ça, non, c'est... Moi, je pense que j'aurais pris Thierry Lhermitte, perso. On va faire un sondage, les gars. Moi, j'aime bien les gros crânes chauves. non, mais moi, je me rappelle, voilà, c'était vraiment un couple. Ils étaient partout. Hein, je veux dire, tu les voyais à Cannes, les voyais. Mais c'était glamour. Avec quand même en point d'orgue la couverture du Télé 7 jours. Enfin, elle est mythique, celle-là. Elle est extraordinaire. Ouais. Elle est extraordinaire. C'est là qu'il est devenu un visage pour le public français. Bah voilà. Et les Suisses en étaient fiers. Mais les Français sont. Voilà, c'est devenu un visage. Il a tapé dans l'œil de tout le monde. Il était magnifique. Mais en même temps, mais comme disait Flo tout à l'heure, hein, c'était quelqu'un qui avait un charme incroyable, un charisme de ouf. Tu pouvais pas. te dire, ouais, le mec va faire la couverture et il va rien se passer. Il allait forcément y avoir un déclic, quelque chose qu'il allait voir. Et je pense que là, le magazine a eu un flair énorme de le mettre, parce que du coup il y a eu quand même une vente record à cette époque du magazine, et c'est ça qui les a fait placer en numéro 1 des ventes à l'époque, hein. Ouais, mais malgré tout, le titre aussi je pense qu'il a aidé, parce que c'est là où on lui a donné le surnom comment il s'appelait. Ah, attendez, je m'en rappelle. Le Alain Delon suisse. Enfin, vraiment. Ah, oui, bien sûr. Dit, forcément, nous, on avait notre Alain Delon. S'il le met à se comparer, c'est forcément que le mec est incroyable. Et du coup, c'est là. Oui, mais après, les ventes records, malheureusement, comme il était juste figurant, on s'est pas dit, tiens, c'est lui qui a fait les ventes records. On était encore sur Josiane Balasko, parce qu'elle sortait un film avec Les Bronzés. Sûr. C'était la suite du film Les Bronzés. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il est parti, d'ailleurs. Bah, c'est pour ça qu'il est parti. Il a voulu attaquer les États-Unis, donc il s'est dit, il a pris le nom de Kip Meyers. Bah oui, c'est ça. Et oui, parce qu'il s'est dit Bernard Bouloche aux États-Unis. Bon, ça marche moyen. Ça risque pas aller, tu vois. Mais bizarrement, il a commencé dans une telenovela en 1984 qui s'appelait Mi Corazón Es Tu Playa. Ah là là. C'est ouf parce que je te coupe juste deux secondes, parce qu'en fait je vous explique, bon je vais raconter un peu ma life mais on s'en fout, mais en fait j'étais avec mes grands-parents ce week-end, et en fait vous le savez, hein, ma grand-mère est espagnole et mon grand-père aussi, et en fait on parlait, et je leur dis qu'en gros là que j'allais enregistrer un podcast sur Kip Meyers, et là ma grand-mère devient mais hystérique, mon gars. Et je regarde et je dis, mais ouais, qu'est-ce qui t'arrive, mamie, etc. Et elle commence à dire, ouais, mais tu comprends, c'est la telenovela que je regardais, Mikolasson et Tsuplaya, etc. Et elle commence à me raconter les scènes et tout. Et je dis, ouais, enfin bon, mamie, tu vas pas me raconter tous les épisodes. Non, vraiment, c'est juste le début de sa carrière. Ouais, on va passer assez vite. Elle a commencé à vouloir me raconter tous les épisodes, tous les trucs, etc. Donc j'ai vite coupé court, mais en gros, ma grand-mère était et incontestablement fan de lui. Enfin, c'est incroyable. Enfin, voilà, c'était juste une petite anecdote. Il a traversé trois générations, toi. Oui, ah bah oui, c'est clair. Hein. Bah, je connais aucune grand-mère en vrai qui regardait ce genre de programme, qui ne connaissait pas Kip Meyers. Oui, bien sûr. C'est la grande star. T'avais L'Amour, Gloire et Beauté et l'autre truc sur France 2, mais après quand t'allais sur M6 le matin, c'était ça quoi. C'était Mikolasson Es Tu Playa. Bien sûr, et c'était assez incroyable. Voilà. Enfin, bon, D'ailleurs, je crois qu'il prévoit un remake pour 2022. Après, mais s'ils font le film, il a dit qu'il ne peut pas reprendre son rôle, évidemment, et il jouerait son père. Ce qui ferait le quatrième rôle qu'il a eu là-dedans, parce qu'il a joué le sien, il a joué son frère jumeau, et il a joué sa sœur, à qui ils avaient greffé l'esprit. C'est incroyable. Alors, pour être précis, mais là, c'est vraiment une petite anecdote pour les fans de la série. Et il joue un cinquième rôle aussi, c'était dans l'épisode qui se passe dans une réalité alternative. Ouais. Oui. Qui était l'univers miroir qui était introduit dans Star Trek. Ils avaient voulu faire un peu la même chose. Ils avaient fait aussi pareil dans Dallas, où il y a une saison qui était un rêve, en fait. Ouais. Et du coup, il y a un épisode où il joue sa version maléfique. Le temps d'un épisode, parce que ça n'a vraiment pas été apprécié par le public. J'ai ça même pas vu vraiment un non, mais le gif où les ailes lui poussent dans le cou, il est incroyable. Le gif. Ah ouais, c'est incroyable. Mais moi, je m'en sers assez souvent, au final. Hein. Bon, moi, quasi tous les jours. Mais il est connu, quoi. Et du coup, Mi Corazón Es Tu Playa, qui a révélé aussi une autre actrice qui est. Ah oui, Salma Hayek. Salma Hayek. Et là, par contre, je vous le dis direct, les mecs, là, je l'ai détesté. Là, clairement, je l'ai détesté. Il a souillé Salma Hayek, le bâtard. Parce que le mec a quand même une relation avec la jeune Salma Hayek, clairement. Dos de Josiane Balasko. Bien sûr, mais en même temps, elle n'était pas avec lui au Mexique. Elle a fait le choix de rester en France. C'est son problème aussi. Au bout d'un moment, il faut aussi assumer, etc. Après, c'était pas sans lui dire de venir. Ça reste un homme, t'as Salma Hayek Salma Hayek. Josiane Balasko était vraiment pas mal non plus. Hein. Ah ouais, mais là, quand même. Ouais, enfin, bon. Moi, je me souviens d'être tombé sur quelques articles de la presse People et la presse locale. Ça faisait quand même du bruit. Enfin, ils parlaient du. La tromperie de la décennie, etc. Enfin, ils étaient quand même pas, contents de la première Bien sûr, bien sûr, c'est sûr. Mais bon, je pense qu'on a tous dit « Ah, le bâtard !» C'est clair, Salma Hayek, le bâtard. Ça n'a pas été un scandale longtemps, parce que c'était un peu de temps après, tu avais eu la mort de la princesse Diana. Ça a vraiment passé. Là, on est quand même en 84, la mort de la princesse Diana, ouais, là, c'est 97-98. Ouais, donc, ouais. Si, il y a quand même. Le scandale a duré presque 14 ans. C'était une... après, je peux comprendre que pour Grey, le 14 ans, c'est pas longtemps parce que lui, il compte en année chien. C'est pour ça. En fait, c'était 2 ans. En fait. Alors, c'est... Alors là, j'assume mon erreur. En fait, j'avais compris 94 pour Mikko Rasson et Stuplaya. Ah non, c'est 84. Ah non, non, donc, je pensais que c'était pendant la saison 4 parce qu'il avait eu le scandale daté de la saison 3 de la série. Non, c'est le, et le du coup, je me suis dit, de, c'était le timing était là. Ah ouais, non. Le décès de Coluche qui a fait un petit peu oublier. Ah oui, bah, bien sûr, bien sûr. Mais sinon. D'ailleurs, il y avait même des mecs quand même. Enfin, les gars sont quand même assez dingues. Et en fait, puisque la mort de Coluche était intervenue à ces moments-là, ils avaient un peu soupçonné Kip Myers d'avoir un peu fait exprès de tuer Coluche pour pouvoir éteindre le feu. Et bah après ça a été démenti hein, parce qu'ils ont fouillé à l'époque toutes les archives, mais pendant pendant bien 6 mois il avait les keufs derrière le cul à enquêter, etc. C'était n'importe quoi d'ailleurs, juste parce qu'il avait conduit un camion ce jour-là, enfin c'était mais le mec il l'avait conduit au Mexique, tu vois, enfin le truc était complètement aberrant. Enfin, il faut quand même rester sur une base où le gars il n'a pas encore la carrière qu'il a aujourd'hui. Oui, bien sûr, il est juste issu d'un film porno, il a fait une figuration et là dans une telenovela, donc forcément il n'est pas encore dans le cœur de tous les Français. C'est sûr, ouais, clairement. Mais du coup, je me rappelle de ce scandale. C'est assez facile de l'incriminer, quoi. Non, mais bien sûr. Mais malgré tout, on arrive là un petit peu au moment où ça va devenir croustillant. On arrive au premier film de la liste, 85. Ouais, On va commencer, là. Il arrive avec un personnage un peu particulier. Thomas, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Ah, bien sûr, ouais, ça me tenait à cœur vraiment de vous parler de celui-là, parce que je pense que c'est celui que j'ai vu le plus. En fait, moi aussi, un peu comme Flonny, j'ai un peu une petite anecdote. En fait, c'était, c'est-à-dire que quand je vais chez mes grands-parents, c'est-à-dire que c'est le poster qu'avait mon père dans sa chambre d'Alabama Smith. Il avait l'affiche du film. Et du coup, quand j'étais petit, j'ai vu pendant très longtemps cette affiche de film sans jamais voir le film. Et tu voyais cette affiche. Je sais pas si vous vous souvenez de l'affiche. Mais extraordinaire. Dans la tenue du film où il est dans la forêt. Et vraiment, enfin, c'est elle est incroyable. Enfin, on a tous envie d'être Alabama Smith. Ah oui, donc pour la petite anecdote, donc pour rentrer dans le film, donc notre ami George Lucas, qui était en vacances au Mexique un soir, tombe sur Mikko Rasson et Stuplaya, et il cherchait un personnage pour jouer le rôle de son nouveau perso, justement Alabama Smith, le célèbre archéologue, et quand il a vu Kip Myers, il a dit c'est lui. On a dit je veux encore là tu vois, dit, tu peux pas nier que les mecs quand même qui le enfin on parlait tout à l'heure du magazine, etc., enfin le mec qui rentre dans la fromagerie là, tu dis les gars ils ressentent quoi, tu vois, enfin ils sentent qu'il y a un truc et c'est assez incroyable. Il fait quasi l'unanimité dès qu'il croise quelqu'un. Enfin, moi, je trouve ça ouf. C'est sûr. Ouais, non, le mec, tu sais, t'as l'impression. Gueule, ouais, non, mais c'est ça. Je pense que c'est la gueule, le charisme, comme on parlait. Le mec transpire ça, quoi. C'est incroyable. Mm-hmm. Mais du coup, tu vas peut-être nous parler un petit peu du film Alabama Smith, Thomas, maintenant, peut-être le synopsis, les scènes qui t'ont marqué. Ouais, c'est le synopsis du premier. Les autres, on en parlera vite fait. Mais bien sûr. Bah, après, franchement, on ne peut pas les comparer, je pense, tous. Pour moi, ils sont pas comparables. Moi, c'est extrêmement vraiment... différent, ce qui est bien pour une saga d'ailleurs, hein, faut le dire. Les trucs d'aventure, normalement, ça se ressemble un peu. Alabama Smith, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Ouais, non, c'est ouf. Alors le premier est vraiment, je pense que du coup, ça joue aussi le fait qu'il soit dans la telenovelas, parce que ça se passe beaucoup en Amérique du Sud, c'est forcément. Vrai. Et alors, je n'aurais pu vous dire le nom exactement de la tribu, mais c'est vrai qu'en fait, le problème, c'est que on a le grand méchant. Les Capiatas, moi je l'ai vu 30 fois. Les Capiatas, les toucans perdus de Takiapos, exactement, ouais. C'est ça. Et ce qui se passe, mais là du coup vous allez me dire évidemment, c'est un des plus grands méchants du cinéma hollywoodien, c'est le docteur Ulrich. Ah bah, avec une ambition, c'est dérober ces toucans, et notamment les becs, pour essayer d'en faire en fait des supports de lampes. Après voilà. Oui, il faut expliquer que le scénario des années 80. Hein, Alabama Smith, c'est un archéologue qui sauve les animaux en général. Bah, et d'ailleurs je crois que c'est Alabama Smith qui a inspiré Ace Ventura. Parce que autant Indiana Jones est sorti avant, autant Ace Ventura est sorti après. Et on a vraiment une grosse vibe, je trouve, un petit peu Alabama Smith dans les Ace Ventura. Le côté archéologue en moins, en fait. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment ça. Donc le gars, voilà, en fait, on se retrouve un peu dans Indiana Jones, parce que dès le début, on est déjà plongé dans le film, on est déjà en Amérique du Sud. On ne sait pas trop si on est entre le Brésil, l'Argentine, la Guyane, voilà, c'est très amazonien. Et on comprend tout de suite en fait qu'il y a un méchant qui, on suppose, est un ancien rival quand même d'Alabama Smith. Ils ont dû se fréquenter dans le passé pour quelconque histoire. Je crois qu'il y a une histoire où c'est vite évoqué. Ils ont fait leurs études ensemble. Où il y a c'est dit au loin. C'est ça. Oui. Et voilà. Ouais, et dans le 3 qu'on apprend un peu plus. Le 3, c'est un mélange de flashbacks et de. Enfin, mais bon, on y reviendra tout à l'heure. Mais... Ouais, clairement. Et donc voilà, dès la première scène, enfin, on sent que le docteur Ulrich prépare quelque chose. Et il y a cette fameuse phrase qui est sortie et qui d'ailleurs en fera ensuite beaucoup de t-shirts où il fait Ah Ulrich, vieux chacal, te revoilà. Et incroyable. Il le dit avec sa voix d'archéologue et on comprend que voilà qu'Ulrich essaie de dérober cette tribu de Toucan. Pour l'anecdote, j'avais le t-shirt. Ah bah oui, mais tu m'étonnes, ouais, mais tout le monde l'avait. Et donc Dr. Ulrich il voulait voler ses Toucans pour faire des supports de lampes. Et c'est vrai que c'est l'intrigue du film, mais on va être honnête, le scénario est assez plat, mais c'est juste que c'est l'aventure, quoi. C'est l'aventure. C'est génial. Attends, tu vas là. C'est le pas. Il y a des couleurs qui sont cool avec les animaux et tu t'amuses, bah, ouais, tu t'amuses. Puis tu t'attaches au personnage dès le premier film. Ouais, et dans les Alabama Smith, pardon, il y a aussi un grain d'image qui est permanent sur toute la saga. Et tu dis, tu sais, ils sont pas. Bon, on n'est pas encore dans l'ère forcément du numérique, etc. Mais les mecs, ils essayent même pas forcément de se dire, on va faire une plus belle image. Non, ça reste l'identité d'Alabama d'ailleurs, tu vois, c'est là où je trouve que c'est un peu perdu. Mais on y reviendra sûrement un petit peu après dans l'émission sur le 4. Je trouve que ça fait vieillir un peu. Ah oui, non, le 4. Non, le 4, c'est. Le 4 n'existe pas. On peut pas dire ça. Je comprends qu'il avait voulu faire un truc, à savoir faire les flashbacks dans une plus belle image et faire les images du présent en gardant la réalisation et le grain. Ouais, mais ça faisait un effet un peu dégueulasse. Ouais, non, mais ça fort. Le public, il était un peu perdu, quoi. Ouais. Et si vous le permettez, moi j'aimerais juste, parce que c'est vraiment une scène qui a marqué mon enfance. Enfin, c'est quand la première fois que j'ai vu le film, j'ai vraiment trouvé que c'était fou. C'est vraiment à la fin du film où du coup les deux protagonistes, Dr. Ulrich et Alabama Smith, se poursuivent, font une poursuite en bateau. On voit d'ailleurs des fois des alligators qui sont là, non, les bateaux. Enfin bon, on les imagine faire comme ça. Et en fait, sur le bateau de Dr. Ulrich, il y a toute la cage avec les toucans, parce que c'est le moment où il a réussi à les avoir enfin finalement. Et cette scène que je trouve dingue, où en fait, c'est hollywoodien bien sûr, où un tronc flottant, Alabama arrive à propulser son bateau dans les airs et à sauter sur la cage avec tous les toucans. C'est une cascade qui est ouf, je crois qu'elle a été refaite 6 ou 7 fois d'ailleurs, parce qu'à chaque fois le bateau se plantait dans le. Oui, c'est, ouais. Ça a été. Bah, alors ça a été. La légende dit 6 ou 7 fois, ça a vraiment été refait 12 fois, parce que effectivement, fois, ouais, non, le, ah, soit ouais. Le bateau, soit la coque cassée, soit machin, enfin c'était un délire. Un cascadeur mort. Ça avait coûté un pognon de dingue. Hein. Ah ouais, non, c'est. Franchement, ça vaut bien. C'est mythique du cinéma où voilà, le bateau s'élance, Alabama qui saute du bateau, qui arrive à atteindre sur la cage, hop. Petit crochet mythique, d'ailleurs, que j'adore, la fille, oh là pour là. Se plonger sur le docteur Ulrich, et il ouvre la cage des toucans, et les toucans qui se renvolent, enfin, pour leur liberté, là, tu dis, à Alabama Smith, you're my man, I love you. Ah ouais, ouais, c'est clair. C'était quoi votre scène préférée, vous, du coup, Thomas, la sienne, c'est quoi votre scène préférée d'Alabama Smith? Genre, Chris, toi, c'est quoi ta scène préférée d'Alabama Smith? Ah merde, je croyais que tu parlais aux autres. je pose la question à tout le monde, en fait. Moi, ma scène préférée, chez l'antiquaire. Moi, quand il rentre avec les vases sur le côté, et que l'antiquaire lui dit ça, c'est 200 $, il dit menteur, c'est de la cacaille, qui prend son fouet, qui tape dedans, et le truc éclate, quoi. Et franchement, tu t'y attends pas, mais le mec, il est tellement sûr de lui. Chez l'antiquaire, moi, ça reste un bijou, quoi. Ça attend tout de suite le personnage. Mais ça te laisse tour, tu vois, le gars, il se laisse faire par personne. Tu veux l'arnaquer, il détruit ton truc, quoi. Moi, ouais, je kiffe. Alors oui, ok, la scène des toucans en bateau, c'est une des scènes d'action les plus mythiques du cinéma. Mais c'est clair. On est d'accord avec cette musique, en plus, la musique d'Alabama Smith. J'en ai des frissons, c'est bien simple. J'aimerais bien que tu me la chantonnes. Ah non, comme ça, putain. Allez, si tu veux. Ouais, c'est pas impressionnant, mais quand vous imaginez que saxophone et tout, ça. Bah non, mais c'est ouf. Enfin, oui, non, moi j'ai juste fait des tanara. Je suis pas beatboxer, hein. Mais clairement, enfin, c'était un truc de fou. Moi, vraiment, la scène qui m'a marqué. Après, vous allez me dire, oui, bah après c'est une scène assez banale du film. C'est quand il arrive dans la tribu dans la tribu qui est censé protéger les toucans et que entre lui et le chef, il y a un de ces jeux de regard. Je sais pas si vous avez saisi quand même l'intensité dans le regard de Kip. Ouais, c'est monstrueux. Mais c'est là où on se dit putain, mais quel acteur bordel. Ouais, le chef joué par Danny Glover quoi. Oui, mais oui putain. Mais oui, c'est vrai. Ouais, je me disais, je le reconnaissais. Putain, mais oui. Ah ouais, c'est Danny Glover. Moi, ça m'étonne parce que là, vous en parlez, etc. Mais au bout d'un moment, moi, après, ça reste moi. Je suis assez sensible sur ça. Mais il y a quand même la scène du début. Quand elle est en repas avec sa mère, qu'il annonce qu'il part dans la forêt amazonienne, etc. Et ce mouvement, ce moment émouvant de ouf. Oh là là. Mais et le jeu est incroyable. La mère, comment s'appelle l'actrice merci. Sarah Fansweet. Ouais, voilà, c'est ça. Merci. Purée. Mm-hmm. Oh putain, celui-là, t'as été. Tu l'as trouvé plus vite que moi. Oh la vache. Ah la vache. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est bien. Tu suis. Mais au moins, tu suis. Tu vois très bien la scène dont je parle. La mère, une sensibilité de malade. Lui. Mais vraiment dans l'émotion, on n'est pas dans le dramaturge un peu, tu sais, théâtral. Non, oui, non, tu sais, oh là là, non non vraiment, il y a un truc profond et comme le s'il l'annonçait. Lui donne. Non mais incroyable. Se sert à la fin. Non mais c'est incroyable. Mais arrête. Et en fait, si tu veux, tout fait sens. Mais tout fait sens. Tu vois, tu te dis en fait la première scène de ce repas avec sa mère où il annonce qu'il part, où elle file le couteau, bah en fait tout ça va avoir un lien forcément avec la fin du film. Et mais voilà, moi le jeu d'acteur super drama vraiment. Moi tu sais, c'est j'avais pas une poussière dans l'œil à ce moment-là. Ah non, bah, c'est la première fois que c'est un chialade. Mais merci. Mais d'ailleurs, c'est le seul film où tu pleures au bout de 5 minutes d'ailleurs. Non, oui, mais c'est ça. Mais moi en fait, c'est ça que je trouvais ouf. C'est-à-dire généralement dans les films, en fait, ils font monter l'émotion pour là les 5 premières minutes du film. L'émotion, tu sens tout, dire bam, ça t'arrive en pleine tronche, tu t'y attends pas, t'es comme ça devant ton écran et tu te dis ouais non, j'ai une poussière, j'ai pas une poussière, tu chiales mon gars. L'intelligence de l'écriture, ce moment où il s'apprête à partir justement avec son sac sur le dos et là qui lui dit Alabama. Il l'entend pas et elle recrie Alabama. Il revient et fait oui. Je sais plus comment il l'appelle. Il appelle Momute. Non, c'est ça comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Et qu'elle sort de sa poche et qu'elle lui tend. Il oublie le bob de ton père et qui met le bob sur la tête. Et là, il a vraiment c'est sa tenue d'aventurier et qu'il le met et qu'il le met et comme là, ça. Et là, le thème commence à sonner pour la. Le thème commence fois. Et qu'il a ce et bob. Et que tu vois l'ombre derrière, que tu vois déjà l'ombre qu'il aura adulte. Non, mais c'est fou. Ouais, et c'est que fou, la première scène où on le voit adulte, justement, on revoit l'ombre quand il est à l'entrée de la grotte. Et ça recule et là, ça c'est une putain de transition en vrai. Mais c'est ça. C'est Bob Kaki, quoi. C'est Bob Kaki avec les ficelles là qui permettent, justement, parce que avec le vent qui permet justement de se lier. Mais moi, je trouve qu'il y a une émotion folle et. Ouais, j'ai toujours rêvé d'avoir c'est un gadget trop pratique où tu tires sur la ficelle et t'as un filet qui apparaît pour les moustiques. Oui, bien sûr. C'est ça. Ce bob, il était incroyable en vrai. Mais c'est tellement les années 80, mais enfin, c'est. Mais en fait, tout est culte en fait. C'est un pur produit des années 80, ça. Mais donc voilà, c'était moi, c'est un peu ma scène où en fait, tu te dis bon bah le film commence, ça y est, c'est parti, on attaque le truc, et après j'ai envie de dire bah c'est que des comme disait Thomas, le scénar, on va pas se mentir, et pas il est plat, etc. Mais le jeu, bordel. Enfin, on a pu dire, bah voilà, vous voyez, le but, c'est pas forcément d'avoir un scénario du feu de Dieu, mais putain, mais prenez des acteurs. Prenez des personnages et fouillez leur psychologie. Mais exactement, et allez au plus profond d'eux, quoi. Vraiment. Et ça, c'est ce qui manque. D'ailleurs, c'est même pas. C'est lui-même. Oui, voilà, c'est ça. Le gars ne joue même pas. Même pas, tu comprends. Mais non, mais c'est ça, c'est incroyable. Tu comprends ses blessures, tu comprends ses faiblesses. Bah, il a quand même un jeu d'acteur. Tu comprends tout. Il y a peu de casting, mais c'est aussi parfait. Hein. C'est ça. Ouais, c'est clair. Mais le gars, il a une pratique de jeu, même si j'aime pas appeler ça du jeu avec lui. Mais le gars, même dans le non-verbal, transmet énormément de choses. Mais même dans la colère. Ça, on l'avait déjà vu dans. Le vrai truc de Clément, hein. Je veux dire, dans le regard, oui, clairement. Beaucoup. Oui, clairement. Ah, oui, l'énergie, oui. il donne. Hein. Ah, bah, et, bah ah, ça, il donne, hein. J'ai oublié de mentionner que sur le vrai truc de Clément, il y a toute une scène où il est filmé de dos. Et il arrive à passer de l'émotion avec c'est un truc de fou, ça. Très, très peu parlé, quoi. Mais c'est aussi l'aspect du décor, je pense que c'est pas vraiment que son dos. Voilà, ouais, mais ça a contribué. Et derrière, entre ses jambes, on voit le lac Léman, tu vois. Ce gars a un corps. Ça a contribué à la légende, quand même. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Il y a un corps entier qui transmet. Dans Alabama Smith, il y a un moment où il y a un plan de 5 minutes sur ses mains, où il fait des échanges d'objets avec Ulrich, tu sais que c'est ses mains. Tu les reconnais. Ah, tu les reconnais. Enfin, tu les reconnais. C'est ça qui est bien aussi. C'est enfin là, on a vraiment la même vision et c'est là où on voit un peu la façon dont vous avez vu le film. Parce que moi, je suis un peu comme Thomas. La scène que j'avais retenue, c'est vraiment une scène d'action aussi. Et c'est littéralement la scène d'après la sienne. En gros, le bateau, il vient de s'écrouler contre la cage et les pélicans s'envolent. Et en fait, il y a l'incendie qui commence. Et moi, la scène, c'est ça qui m'a vraiment marqué. C'est à partir de là où j'ai vraiment eu cet espèce de rêve d'enfant. C'est quand tu as 10 ou 15 pélicans qui se mettent à chaque bras de Alabama Smith et qui le font s'envoler pour échapper à cet incendie parce qu'il pouvait pas s'échapper. C'est du donnant, tu vois. Exactement. Mais en fait, c'est une leçon de vie, en fait. Incroyable. En fait, c'est une leçon de vie, c'est-à-dire que le gars, en fait, dit, enfin, en fait, il libère les pélicans. Donc, en gros, moi, je pense que ça met ça. Par contre, les gars, vraiment, depuis tout à l'heure, vous parlez de pélicans, ça commence à m'ulcérer. Ouais, on parle quand même de Kid Meyer, c'est les toucans. Oui, pardon, toucans. Excuse-moi. Non, mais à un moment donné, on est un podcast sur le cinéma ou on fait note au toucan. Ouais, toucan. Excuse-moi. En fait, si tu veux, l'image est dingue, c'est-à-dire que libérez-vous de vos cages, mais quand vous vous libérez de vos cages, de grandes choses arrivent. Quoi. Non, mais vraiment. C'est... Après, moi, sincèrement, les gars, c'est vraiment un film que j'ai vu du coup dans les années 2010 ou enfin 2000-2010 où j'étais un vrai fan. Moi, vraiment, le jeu d'acteur m'avait bouleversé, mais pour le coup, le fait que la scène où les toucans envolent Alabama Smith, moi, je me suis dit, ok, là, c'est peut-être la scène où je suis un peu sorti du film à la fin où je me suis dit. Moi aussi, mais ça. Ouais, mais pourtant c'est beau. 80, c'est beau. Ouais, c'est les années 80. C'est vraiment ça. Beau parce qu'en fait il dit voilà, libérez-vous, mais ne laissez pas votre voisin dans la merde. Aidez-le quoi. Malgré, enfin voilà, peut-être. Il y a un message. Il y a un vrai message. Libérez-vous de vos cages pour aider les gens qui sont à côté de vous. Enfin, moi, je trouve ça. Enfin, je trouve que politiquement, le message est dingue. Ah bah c'est fou. Non mais c'est clair. Et d'ailleurs. D'ailleurs, très très vite, il y a une suite qui est mise en chantier. Ah oui, bah, évidemment. Toi, c'était un carton. Tu m'étonnes. Bah. Tous les gosses voulaient être à la Alabama Smith, tous les garçons, toutes les filles étaient amoureuses de Alabama Smith. Les Bob Kaki se sont lancés, ça a été exponentiel. Non mais Halloween, c'était Halloween de cette année-là, ça avait été un scandale. Ah bah ça avait été n'importe quoi. Halloween, carnaval, Mardi Gras, tout, c'était Thanksgiving, pareil. Ouais, vraiment, c'est ouais, donc après il est fini dans la suite direct quasi quoi. Alabama Smith, c'est le dernier tigre de Sibérie. Incroyable. Gray. Incroyable. Un peu le pitch de ce film. Alors, du coup, ouais, ça se passe quelques mois après le premier Alabama Smith. Donc là, à ce moment-là, on sait maintenant qu'Alabama Smith, il a cette capacité à contrôler mentalement tous les toucans de la planète. Parce que le film, il part vraiment dans un délire un peu plus SF. Dans ce deuxième opus, et je trouve que c'était vraiment un virage vraiment couillu de la part du film, surtout un an après, hein, parce que on aurait pu avoir un twist débile à la SOS Phantom 2 où ils font ah bah on refait les mêmes événements, ouais, on a oublié ce qui s'est passé. Ça aurait été ringard. Et c'est ça. Et là du coup vraiment il part à contre-pied de ça, il va pas du tout dans la facilité. Donc du coup maintenant Alabama Smith il a cette capacité à communiquer avec les toucans qui est vraiment dingue. Mais moi ce que je trouve assez dingue parce qu'en fait on le sait, mais le gars ne l'use pas trop non plus, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est justement le point sur lequel je vais venir. C'est là en filigrane. C'est parce que justement, comme le titre l'indique, le film se passe majoritairement en Sibérie. Et comme les toucans, bon, bah, ça supporte pas trop le froid. Ouais, bien sûr. Finalement, elle est utile que le temps d'une scène, quand c'est chez lui et qu'il se barre, avant de se barrer en avion pour aller en Sibérie, pour aller retrouver ce fameux dernier tigre, parce qu'il a disparu. Voilà. Le pitch de départ, c'est vraiment ça. C'est il a un ancien ami qui est aussi un vétérinaire et justement il voulait il était en train de se tenir au courant du dernier tigre tout ça parce qu'il y avait cette menace d'extinction et du coup il s'est fait capturer le tigre par on ne sait qui et du coup le vétérinaire a dit bon bah la seule personne que je connais le twist de fin était pas fifou mais du coup la seule personne qui peut nous aider c'est Alabama Smith et du coup c'est là où il part en direction de la Sibérie. Du coup gros changement de décor. Là vraiment on part de la jungle, on va vraiment dans le désert de glace et les ennemis sont pas les mêmes. Il y a un petit ton SF du coup qui est pas très employé mais qui est quand même présent. Voilà, le thème qui a été remixé pour voir un côté très russe pour essayer de plaire à ce public là, vraiment c'était en vrai pour interpréter le côté Amérique versus URSS après Rocky 4. Moi généralement ma deuxième référence c'est Alabama Smith. Oui, bien sûr, on est d'accord. On est d'accord. Même s'il respecte plus les Russes que Rocky IV. Oui, ah bah ça, oui, non mais ça, oui. En même temps, le film a été un peu produit par, la RDA et la RFA qui étaient en conflit. On sait que la production de ce film a été vraiment compliquée pendant la guerre froide, donc c'est pour ça, quoi. Mais heureusement qu'il s'est fait. C'est pour ça qu'il s'est un peu plus gentil, on va dire. Heureusement qu'il s'est fait, ce film. Oh là là, mais parce que sinon, je ne sais pas comment on aurait pu faire. Après, vous me direz, il y a quand même eu aussi le troisième, hein, qu'il ne faut pas oublier, Alabama Smith et la tribu des zèbres oubliés, ouais. Qui, bon... Bouleversant. Moi, perso, bouleversant. Ouais, il est bien. Moi, j'ai préféré le 3 ou le 2. Hein. Bah, ouais, moi aussi. Ouais, autant le 2, il se passe énormément de choses au niveau psychologique. Le 3, ils sont revenus à un truc un peu plus basique au niveau de l'action. Ouais, voilà, c'est vrai. Oui, non, mais bien sûr. Ils sont revenus aux racines. Et là, ils sont revenus vraiment au truc Disney, quoi. Mmh. Ouais, et cette double timeline dont Florent avait parlé tout à l'heure. Justement, il y a cette double histoire, un peu comme le Parrain 2, quoi. Ouais. Et vraiment c'est la jeunesse d'Alabama et en plus la nouvelle aventure. Et c'est là bien que sûr. Tu comprends pourquoi il s'est, tu comprends pourquoi il s'est dirigé mentalement les toucans. Bien sûr. C'était pas du tout expliqué dans le 1. Et là, ils te disent tout. Et la beauté dont ils le disent avec une, enfin il y a au niveau de l'écrit là ils ont poussé un peu le truc parce que ils disent d'une façon très poétique, etc. Enfin, et on comprend, tu vois, il y a pas de grands mots, etc., mais c'est très poétique, c'est très bien, enfin moi je trouve ça très bien amené, quoi. C'est très très fort, c'est clair. Ah oui, non, et il y a le personnage de Nick Fury dedans parce qu'il voulait tout doucement lancer le MCU. Et mais bon, c'est celui de Fury fait, hein. Joué par David Hasselhoff. Oui, c'était voilà, celui de David Hasselhoff. Donc c'était à l'époque où il avait joué dans celui avec Hulk et celui avec Captain America. Ouais. Et là, le pouvoir de faire ce que tu voulais d'être toucan était intéressant et ça s'est pas fait. Non. On peut dire heureusement. Hein. Ouais, je pense aussi. Je pense que après on en reparlera de lui dans le MCU pour les nouveaux, donc pour un film en 2025. Ouais, mais on en reparlera après, mais en fait, Kip Meyers, il a quand même eu sa petite période super-héros, mais on y reviendra après. C'était vraiment un truc pas ouf, mais voilà, je voulais en parler quand même, parce que même si c'est pas dans la liste, c'est un film qui me... Enfin bon, on en reparlera. Bah écoute... Tu nous coupes et tu en parles. Là, j'ai fait une liste. J'ai choisi moi. Ça a été compliqué. Oui, vu la filmographie, tu m'étonnes. Mais, mais voilà. Ça a été compliqué d'en choisir 5. Mais voilà. S'il y a un film de lui dont vous vous rappelez et que vous voulez vraiment parler, parce qu'on a tous été marqués par un film de Kip Meyers. Hein, je veux dire, il est tout en haut. Thomas, t'avais l'air touché vraiment quand tu parlais de... Là, tu vois, j'ai encore un peu un grain dans la voix. Je m'en excuse d'ailleurs, les gars. Mais je pense que ce qui m'a marqué d'un point de vue, ce qui me donne envie d'ailleurs d'être père plus tard, c'est vraiment... C'est de montrer ce film. Pendant qu'il se remet de l'émotion, je voulais juste. Je craque parce que c'est vrai que c'est. Il a pleuré, il a pas rigolé. Il a pleuré. Non, mais c'est normal, c'est l'émotion, il n'y a pas de souci. C'est quand tu comprends le lien qu'il y a entre son. Excusez-moi. Non, du coup, je peux glisser une anecdote en attendant qu'il se remette de l'émotion. Moi, il faut savoir que j'avais perdu mon pucelage sur la musique du film, en fait. Alors, j'étais pas au courant à l'époque, j'avais pas vu le film. Mais la fille avec qui je l'avais fait était une grande fan de cinéma. Et du coup, quand j'avais demandé c'est quoi cette musique, c'était vachement bien parce que je le faisais en rythme, du coup, parce que j'étais influencé. Et elle m'a dit, ça c'est la musique d'Alabama Smith. Par contre, c'est très lent, donc c'est pour ça que t'étais mauvais, tu vois. Mais ça, elle me l'a dit après, rétroactivement, hein, après. Ouais, de toute façon, alors. C'est comme ça que j'ai connu Alabama Smith. Après, tu sais, j'ai envie de dire. Anecdote de fou. Elle aurait forcément eu un truc à redire, tu sais, c'est toujours pareil. Oui, hein, ouais, les premières après, fois, c'est après, le truc, c'est si ça avait été trop intense. Je veux pas voir l'Amérique du Sud, je veux voir le lac Léman. On les entend encore dire ça. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Attends, c'est bon. Parce que ça aurait été un rythme un peu plus fréquent. T'aurais dit ouais, mais t'as été trop vite, etc. Non. Donc après, franchement, frère, voilà quoi. Après, elle avait dit Kip Meyers, c'est le bâton de berger suisse, et moi, c'est le Knacky Ball du 95. Donc ah merde. Ah non, c'est dur là. C'est dur. Mal pris sur le moment. J'étais un peu vénère contre Kip Meyers pendant quelques mois. On m'a toujours dit, tu vois, quand t'as 17 ans, ne couche jamais avec une fille qui a le poster de Kip Meyers. Enfin, je veux dire. Tu arrives, voilà, c'est station. Chaud. Tu t'ouvres un océan de déception là. Ouais, c'est clair, non, clairement. Déjà, si elle a vu le vrai sur la Clément, déjà t'as l'air con. Ouais, hein. Déjà. 32 cm quand même, enfin. Au repos, enfin. C'est un dieu vivant, quoi. Et donc, je le voyais plus grand que ça, le lac, moi. Il est con. Tu vois, mais. Tu non, mais Thomas, arrête tes conneries. Elle est pour moi. Non, non, elle est pour moi. Genre. Le mec, il est obligé de faire des vannes tout le temps. Il m'énerve. Même quand on parle de Kip Myers, quoi. On essaye d'être gentil avec lui quand il est sous l'émotion et le mec, il est derrière. Non, mais je te jure. Moi, je croyais que le lacrymo, il était plus long. Il a même pas donné la fin de. Oui, donc du coup, ton enfant, vas-y, dis-nous. Non, c'était juste, voilà, quand, en fait, quand, comme vous disiez, là, quand on apprend le lien avec les Toucans et qu'on comprend, en fait, c'est une vraie symbolique avec son père qui lui-même avait eu un passif, tout ça. Et d'ailleurs, on comprend ensuite qu'ils ont la même tâche de naissance en forme de petit baobab et tout. Moi, je trouve ça phénoménal. Et c'est vrai que voilà, c'est une vraie belle histoire sur la paternité et le fait qu'on découvre son père un peu dans les flashbacks et notamment comment meurt son père. Mais ça, moi, je serais pas capable de vous le raconter parce que c'est encore un peu dur pour moi. Je pense qu'on va pas en parler. Ouais, on prend tout de suite ce lien avec les Toucans, mais voilà, c'était juste ça. Et désolé, ça, j'ai mis un peu de temps à pouvoir l'évacuer, mais, non, voilà, mais c'est toujours un souvenir très fort de mon enfance. Son père joué par Robert Redford, hein, qui. Oui, c'est ça. Voilà. Et quand tu vois Robert Redford et que tu vois Kip Myers, tu dis ouais, des dieux vivants. Tu comprends que ça peut être son fils, ils sont bien choisis. Ah oh oui, bien sûr, bien sûr. Si vous revoyez la fin de l'homme qui murmura à l'oreille des chevaux, comme il y a encore ce lien avec les animaux, à la fin, tu avais un truc fort Kip Myers, ouais. Un hommage, hein, vraiment, parce que Robert Redford avait produit le film et du coup, il a vraiment voulu rendre cet hommage à ce moment-là. Justement, quand le film est sorti, c'était fort KM. Et oui, on ne savait pas à ce moment-là. Je ne savais pas si c'était Kylie Minogue ou autre. Il y avait encore. Oui, voilà. Et moi, moi, j'étais débile, je pensais que ça voulait dire 4 km. Et en fait, le mec écrit 4 avec un K quand même. C'est quand même assez incroyable. Non, fort. Fort. Ah oui, d'accord. Mais bon, fort, il manquait le U. Ouais, il manquait le U. Et je crois que ça a été dévoilé seulement 10 ans plus tard quand ils ont réédité le film, qu'ils ont changé le générique de fin et que là, ils ont fait Myers. Bon, après, tout le monde le savait dans l'ensemble, mais ouais, c'est vrai qu'il y a. Bah, tout le monde s'en doutait, sachant que le cheval s'appelait Kip. Enfin, après, voilà, ça, très peu de place au doute, vraiment. Ouais, clairement. Et puis ça a été reconfirmé après quand l'autobiographie est sortie. Donc vraiment, on était tous au courant. Il y avait un lien entre Robert Redford et Kip Myers qui était fort, qui sortait du tournage. Bien sûr. Indéniablement. Clairement. Et oui. Mais les gars, on va passer au film suivant. Oui. Donc en 1990, il est arrivé dans un film avec Julia Roberts. Donc c'est son premier essai. Donc il n'a pas fait que les Alabama Smith. Hein. Il a fait d'autres films entre temps. Hein. Mais nous, on s'arrête sur celui-ci. Rentré dans la comédie romantique, là où toutes les femmes l'espéraient. C'était L'amour sur trois étages. Avec William Baldwin et Whoopi Goldberg, un grand, grand film. Donc c'est un film qui se passe en 8 ans, donc c'est deux locataires du même immeuble, ils se croisent régulièrement dans l'ascenseur, ils se parlent sans savoir qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Voilà, énorme Julia Roberts dans ce film, hein. Elle a fait énormément de belles comédies romantiques, et là, elle est excellente. Elle fait que confirmer son talent, hein, là-dessus. Ah oui, clairement. Et donc, ils se croisent. Donc, des fois, c'est lui qui ramène une nana. Des fois, c'est elle qui ramène un homme. Et puis, des fois, ils se retrouvent ensemble et ils parlent. Et ils parlent donc, sur les étages, les trois étages qui les séparent de leur appartement. Ils parlent. Et tout doucement, on voit un lien qui se crée. Moi, je kiffe. C'est hyper romantique. Bon, on a tous pécho sur la musique. Donc, c'est lui qui a composé et chanté le thème. Oui, c'est vrai. Putain, il a chanté le thème. Je m'y attendais tellement pas. Ouais, c'est clair. I Need the One You Need to Love, qui a été numéro 1 dans 42 pays. Moi, on a tous pécho sur cette chanson. Je veux dire, t'allais une soirée, fin de soirée, c'était ça qui passait. Hein. Ouais. Là. Bah, inévitable. Inévitable. Ah bah, tous les Macumba de France à cette époque passaient ce soir-là. Hein, ah non, c'est clair. Début des années 90, comme ça, t'as un Kip Myers qui vient de sortir de 3 Alabama Smith qui te sort ça, tu fais ouais, bon bah d'accord, bon bah clairement c'est terminé pour tous les autres. Hein. Ouais. Enfin. Non, il y a énormément d'humour, de subtilité, des petites vannes qu'on ne comprend pas d'un coup, tu vois, comme un moment quand il dit comment est-ce qu'on fait pour monter bien plus haut, qu'elle lui dit utilisez votre doigt. Et voilà, et là il appuie sur le bouton. Moi, c'est un truc qui m'a. D'ailleurs, je sais pas si tu comptais en parler comme c'est ton film, mais pour la petite anecdote, c'est ça qui a inspiré Calogero pour le clip en apesanteur. Ah oui, clairement. Ah clairement. Voilà. C'est la scène de fin. Hein. C'est la scène de fin. La scène de fin. Quand il tombe amoureux vraiment dans l'ascenseur en juste 3 étages. Bah, et puis on va pas se mentir, la musique de Calogero, c'est juste une reprise du thème du film fait. C'est un petit sample un petit peu plus rythmé parce que c'était pas 1990. La vraie chanson. Il s'est fait poursuivre en justice pour ça. Hein, oui, c'est vrai. I am the one you need to love. Putain, moi j'ai kiffé quoi. Je vais peut-être vous décevoir, mais moi en fait, ce film-là, j'ai pas du tout aimé. Tout simplement parce que. T'as un cœur en acier. Non, c'est pas ça. Non, je vais t'expliquer. Ce film, tu le kiffes. Non, c'est pas vrai. Tu peux être un mec, tu kiffes. Arrête. Non. Mais je vais te dire pourquoi, tu vois. Parce qu'en fait, si tu veux, je pense que ça a répondu un peu trop à une pression de la ménagère de plus de 40 ans qui voulait absolument un film à l'eau de rose. Et moi, en fait, ce que j'aimais et ce que j'aime avec Kip Meyer, c'est qu'il a pas besoin de ça pour faire ressentir des choses comme ça. Et en fait, je pense que ça a été plus. Une réponse à une demande de l'agente féminine, je te dis, la ménagère depuis 40 ans, c'est clairement ça dans les blockbusters. Je suis un peu de ton avis parce que clairement, derrière, enfin, on va pas se mentir, derrière, bizarrement, qu'est-ce qui s'est passé l'année d'après? Oh, bah tiens, qui c'est l'homme le plus sexy du monde? Bah, c'est Kip Meyers. Égalité avec Patrick Swayze, En fait, c'est ça qui m'a énervé. Après, j'enlève rien au film. Après, je l'ai regardé quand même parce que voilà, ça reste du Kip Meyers. Mais en fait, moi, ce qui m'a énervé, c'est qu'on réponde vraiment à une demande et du genre, allez, on vous file le film que vous voulez. Et puis voilà, moi ça m'a un peu gavé parce que Kip Meyers c'est pas ça quoi. Kip Meyers il est pas là pour répondre à une demande, on est là pour découvrir des choses. Non mais il fallait le voir une fois dans une comédie romantique. Avec une actrice qui était au sommet, donc c'était les deux au sommet. En fait je pense que Flonny parle plus du contexte dans lequel ça s'est fait. C'est ça. Où effectivement là c'était un petit peu plus, tu te dis les gars c'est bon, il y a pas peut-être pas besoin de ça. Il avait pas besoin de ça pour sa carrière. C'était facile. Oui, mais c'est ça, voilà. Tu vois, c'est ça qui m'énerve. C'est juste ça, en fait. Faire, oui, mais c'est super bien écrit. Ah, mais on est d'accord. Il y a des auteurs de ouf, bien sûr, mais derrière. Il a raison dans le fait que, comédie romantique, mais Kip Meyers a raboulé les 200 millions de dollars, enfin, évidemment. Mais c'est ça. Ça se passe sur 3 étages. Donc, dans le film, il y a 148 fois où il se voit sur 3 étages. Comment créer l'amour en 3 étages? Donc, c'est même pas une minute. Comment faire naître l'amour comme ça? Ils ont réussi parce que tu y crois. Je veux dire, ce serait dans la vie normale, tu n'y crois pas. Bien sûr. Mais en fait, ça enlève rien. Dialogues, le jeu de séduction qui se crée entre les deux, c'est vrai que la chose qui m'étonne, c'est qu'il ne soit pas tombé amoureux avant. C'est-à-dire qu'il est magnifique. Mais parce que vraiment, en plus Robert, de ça. Et Robert, il ramène toujours des tocards. Ouais. Et il regarde, il a la classe, il dit rien, il a son petit sourire en coin. Et tu te dis, mais prends-le, lui, il est là. C'est ça. Et puis, ce qui est fort dans ce film-là, c'est que vraiment, les 3 étages, ça a été fait à chaque fois en temps réel. Ces scènes-là ont été faites réel. Il n'y a aucun effet spécial, il n'y a aucun truc où on se dit, on va laisser les portes fermées un petit peu plus longtemps. Ça se fait, mais en l'espace de quoi? 15 secondes, même pas. Des petites scènes de 15 secondes. Et tu fais, mais ils arrivent à créer un truc, a créé une alchimie entre les deux. Tu fais ouah, mais enfin moi j'ai été mais en fait si vous voulez ça au début du film ils se regardent même pas, mais oui, mais ça avance, après il y a un petit sourire, un petit bonjour, un petit et à la fin du film on le dit, enfin tout le monde l'a vu, on peut spoiler, ils arrivent à faire l'amour sur 3 étages quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est parti de rien. Et à un moment, et il tombe amoureux, c'est fou. Moi, je kiffe. Après, si tu veux, ça enlève rien, la beauté du film, etc. C'est pas ça que je disais tout à l'heure, vraiment pas. Moi, c'était plus le comment c'est amené, etc. Après, c'est vrai que on est sur une performance, parce que même quand ils font l'amour à la fin, là, sur les 3 étages. Du coup, on disait tout à l'heure, c'est 15 secondes, mais c'est tellement intense qu'on ressent, tu vois. Enfin, on ressent des choses. Moi, après, je reste sur ma position où. Ce film-là n'était pas obligatoire, même s'il est très beau, même s'il est très bien filmé, même si c'est super bien réalisé. On est d'accord, Julia Roberts, incroyable. Je pense qu'avec Hook et La Revanche du Capitaine Crochet, c'est son meilleur rôle. Donc clairement, bravo. Mais je pense qu'il n'était pas obligatoire dans la filmographie de Kip Meyers. Mais ça reste mon avis. En tant que professionnel du podcast, c'est pas mon préféré. Ah d'accord. Oui, okay, okay, oui. Là, je le prends en tant que film. Donc c'est pas un film que j'ai été voir au cinéma, on est bien d'accord. Okay. Parce que t'étais trop jeune. Mais quand tu l'analyses, tu dis putain c'est fort. Et puis en restant professionnel, tu ramènes une fille chez toi, tu passes ce film là. Tu baises. Enfin, ah bah, clairement. C'est mon film doudou. Ça aide. Pour Ken, c'est mon film doudou, moi. C'est vraiment. Tu craques, quoi, tu vois. C'est obligé. Thomas, tu m'as pas parlé de ce film. Est-ce que il y a quelle scène qui t'a plu dans ce film? Ouais, ouais. J'entends tous vos avis, mais c'est vrai que moi, je suis un peu. Enfin voilà, je vais peut-être en espérer, mais moi, je trouve qu'il y a quand même. Alors oui, je reviens. C'est bien joué, c'est bien filmé. Pour moi, sur un bien filmé, c'est une caméra fixe. Je sais plus exactement combien il dure, mais combien de temps dure le film. Je crois que c'est 1h38. 1h38. À l'endroit, ouais, c'est ça. Enfin, moi, j'ai vu la version 2h58. Hein. Ah oui, t'as vu la version longue. Ah oui, t'es malade, t'es un ouf. Non, mais mec, t'es sur la version longue. Voilà, moi, je pense que, sincèrement, 2h58, je pense que vous avez peut-être crié au scandale. Je pense qu'en 2h42, ça pouvait être plié, tu vois. Non mais je vous entends. Il y a un quart d'heure de trop, on est d'accord. Je suis d'accord. Avec pour moi, bien sûr. Voilà. Bah, tout le quart d'heure où l'ascenseur est en panne et on a littéralement en plan séquence le mec qui répare l'ascenseur. Là, on est d'accord, ça sert à rien. Parce que ils auraient pu prendre les escaliers. Et au final, non. On les voit pas prendre l'escalier parce que c'est à ce moment-là qu'ils sont au summum de leur truc. Ils veulent être en couple et ils veulent être dans cet ascenseur. Ils peuvent prendre les escaliers, mais le film dit non. Et du coup, c'est là où il nous fait languir pour cette scène émotionnelle après. Il y a quelqu'un qui les attend chez eux, tu vois. Ils ont tous les deux. Allez, il y a un mec qui l'attend. Lui, il y a une fille chez lui. Ils ont été prendre les croissants. Et en fait, ils préfèrent la présence un de l'autre plutôt que de rentrer chez eux. Oui. Et d'un point de vue purement mercantile aussi, hein, t'as Otis qui avait fourni 50 millions de dollars de budget pour apparaître dedans. Donc tu m'étonnes que tu fais un plan séquence où tu vois bien la marque affichée, bien les réparateurs, enfin voilà. Avec Hercule, on voit que ça, quoi. Ouais, c'est ça. Flonnie, t'as pensé quoi de la prestation de Whoopi Goldberg dans ce film? Eh ben moi, j'ai envie de dire, bah, c'est du Whoopi, quoi. C'est pareil, on est sur de la valeur sûre. Elle est une valeur sûre. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que Whoopi Goldberg, voilà, c'est marrant, c'est extraverti, c'est une bombe. Mais alors, est-ce que c'est l'effet Keep Mayer? Je ne sais pas. Mais on peut voir aussi la scène à, quand elle est dans le confessionnal avec le prêtre. Ah, cette scène, elle est incroyable. Parce que la fille arrive un peu en mode ouais, non, je vais faire des blagues, etc. Queen, hein, le prêtre. Ouais, c'est ça. Et le truc, c'est que elle arrive au parloir un peu, tu sais, elle prend le truc un peu second duck, tu vois, vraiment, ouais, oui, je m'en fous, et t'es là. Et en fait, Anthony Quinn, il arrive, il commence à l'enchaîner de questions. Et là, en fait, elle se retrouve déstabilisée. Et moi, en fait, j'ai aimé la trouver dans un rôle un peu plus sérieux, en fait. Mais ouais, après, mais tu sais, d'un coup, où elle se sent déstabilisée, comme s'il lui mettait un tacle assassin en milieu de surface, et où elle se trouve un peu déstabilisée. Non, mais c'est vraiment l'image que j'ai, tu vois. Un peu déstabilisée, et en fait, tu vois qu'elle essaie de se rattraper petit à petit, et au bout d'un moment, non, en fait, il y a la vérité qui sort, et j'ai trouvé ça super intéressant. Mais après, voilà, ça reste du whoopi, ça part dans tous les sens, c'est rigolo. La scène d'après, elle a fait un peu dans l'ascenseur. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, tu vois. Un peu toute la scène avant. Mais pour le truc émotionnel, je suis d'accord avec Flo, parce que c'est vrai que c'est là en plus où ça a amené un tournant dans sa carrière, parce que peu de temps après, c'est là où elle a fait la couleur pourpre. Mmh. Oui, vraiment, dans sa carrière, il y a eu un avant et un après l'amour sur trois étages pour Whoopi Goldberg, clairement. Mmh. Oui, moi, je voulais juste avoir une petite anecdote. Alors, moi, j'ai déjà donné mon avis sur le film. C'est une anecdote. T'as encore Ken sur ce film-là, putain. Non. Presque. Non, il y a eu une diffusion de ce film au cinéma lors de la ressortie. C'était pour les 20 ans. Donc oui, c'est ça. Et ça avait été un peu controversé parce qu'ils avaient fait une séance en 4D. Et du coup, cette fameuse scène de sexe sur la fin a été assez douloureuse pour beaucoup de personnes. Il y a eu beaucoup de plaintes qui ont été déposées contre X. Et pour ma part, anecdote, du coup, j'ai été voir ce film. Et pour ma part, alors émotionnellement, j'ai pleuré, mais physiquement, j'ai pleuré aussi. Je suis rentré en carabe chez moi quand même. Il faut le dire. Ça peut se comprendre. Je vois ce que tu veux dire, Greg, mais après, pour moi, là, j'ai regardé le documentaire qu'ils avaient fait, le petit reportage là, sur la ressortie en 2010. Moi, je trouve que la démarche de diffuser le film uniquement dans la Hollywood Tower à Disney, enfin, c'était quand même particulièrement osé parce que enfin, les spectateurs n'arrivaient pas à suivre le film. Et c'est vrai que enfin, beaucoup se sont plaints aussi parce que, enfin, je veux dire, c'est hyper compliqué de regarder un film dans ces conditions. Donc, 2h58 dans la tour de la Terre, c'est vrai que c'était... Ah ouais, non, mais c'est long. Bah, c'est après, long, au niveau du son, c'était pas ouf. Les cris à côté, etc. Ouais, non, c'était pas simple. Mais justement, j'avais vécu ça et c'est vrai que mais la vraiment fois où pas le... simple. Physiquement, j'étais ressorti, mais malade, quoi, vraiment. Ouais, mais au moins, le passage où William Baldwin vomit dans l'ascenseur, t'as les odeurs, quoi. Ah oui, t'étais dedans. Mais là, c'était plus de la 4D, c'était de la 5D. Hein, t'avais vraiment... Bah ouais, il y avait l'odeur. Moi, je me rappelle, il y avait l'odeur. Il y avait quand même ma petite sœur qui était avec moi et en fait, elle avait réellement dégoubillé partout. C'était horrible. Plus on... C'était toi ? Non, je plaisante. Non, c'était peut-être pas moi. Je pense pas qu'on y soit allé en même temps. Enfin, si on y était en même temps, franchement, c'est assez dingue. Mais C'était pendant une semaine qu'il le faisait. Ouais, c'était juste une semaine. C'était une semaine de la. Du coup, enfin voilà. Et je me rappelle, on avait... On avait mangé une flamme et une queue. Juste avant, mais quelle erreur! Mais non, on avait tous applaudi, donc la scène justement où le mec, juste avant, il voit, donc on comprend qu'il y a un truc entre lui et Julia Roberts, mais il y a la porte qui s'ouvre d'un coup, juste quand la porte va se refermer, t'as un gars qui ouvre la porte et c'est William Baldwin. Et là, il arrive, il embrasse Julia Roberts, et puis à un moment, il dit: je me sens mal. Et il vomit, quoi. Et avec ce qu'il y a eu là, tout le monde a applaudi parce qu'on avait mais tous c'était incroyable. Vomi sur nous. Mais bien sûr. Oui. Ouais, c'est... C'était un peu, tu sais, il y a eu à l'époque, à l'époque, il y a eu quand même le un manège, non, un manège à Disney qui était maman, j'ai rétréci le public où tu vivais des choses. Et en fait, en parallèle, il y a ça qui sort et en fait, tout le monde croyait que maman, j'ai rétréci le public, c'était vraiment le summum. Et en fin de compte, bah non quoi. Il y a ça qui est sorti et c'était vraiment une attraction vraiment, vraiment super intéressante en fait. Controversé, mais ouais, controversé, forcément controversé, parce que tu dis ouais, il y a toujours des gens pour contredire dès que quelqu'un fait quelque chose un peu d'extraordinaire. Mais après voilà, oui. le but c'est que ça a quand même plu à énormément de gens. C'était une expérience de vie. Moi, je suis sorti de ce manège en apprenant énormément de choses sur moi, sur les gens autour de vous. Et du j'ai coup, appris c'est... que j'étais épileptique grâce à ce film. Ouais, voilà, mais tu vois, mais on en apprend tous. Tu vois, on en apprend tous. Tu vois, moi, j'ai appris que bah, forcément, ma petite sœur ne supportait pas les manèges à sensations. Et voilà, et on est sorti de tout ça grandi. Que les Jeans Levis ne se lavaient pas si facilement que ça. N'absorbe pas bien le vomi. Ouais, bien sûr. On est une génération, on n'avait pas vu le film à sa sortie. Enfin, on l'avait pas forcément tous vu au ciné. C'est vrai que le redécouvrir dans ces conditions, forcément, c'était. Bah, ça amène un plus, quoi. Ça amène un plus. Ça amène un plus. Clairement, ouais. T'as ce côté expérience. Mais de toute façon, Kip Meyers privilégiait l'art au cinéma lui-même. Bien quand sûr. On lui a proposé ça, je me demande, c'est pas lui qui a demandé à ce que ce soit diffusé là, quoi. Pour lui, c'est une séance artistique. Il dit voilà, c'est un ascenseur, ça monte, ça descend, paf, Disney World, quoi. Franchement, moi je kiffe, j'apprécie la démarche, mais on va pas rester trop longtemps sous une. Non, c'est une anecdote. Romantique. Oui. Voilà, c'est une anecdote. Il est arrivé en 93 avec un film d'action réalisé par Robert Butler qui s'appelait... Vas-y, Gray, dis-le-moi. Alors, je vais devoir te corriger sur l'année. Oui, c'est pas l'année. Ah oui, c'est en 98. Pardon, je me suis trompé. Vas-y, c'est l'image qui veut que ce soit 93, mais... Enfin, c'est pas logique dans la continuité. En fait, c'est pas possible que ce soit 93, puisque c'est la suite de Air Force One qui est sortie en 97. Ah d'accord, oui, voilà. Et du coup, ça s'appelle Air Force One 2. Voilà, qui est donc sorti en 98. Alors avec, c'est vraiment Gary là Buzet, avec Gary Busey, Alice à Milano et ouais. Dans un rôle un peu secondaire comme toujours dans sa carrière, Frank Stallone. Ouais. Donc voilà, vraiment des gros noms. Ouais. Et oui. Du coup, alors là, on arrive vraiment dans sa partie de la carrière où il commence vraiment à plus avoir de pognon. En fait, il faut savoir que Kip Meyers, il avait vraiment cet aspect devenu un peu persona non grata à Hollywood. Parce que il avait agressé des filles dans des bars. Mais puis trop fort niveau acting. Donc forcément, à un moment donné, oui, il a eu ce burn-out aussi. Enfin, vraiment, ça a été une carrière très compliquée à Hollywood sur sa carrière. Mais de toute façon, Début des années 90, il y a eu des nombreux documentaires. Voilà, c'est ça, les années 90. Maintenant, rien n'a été prouvé non plus. Hein, Oui, non. Bah, on en parle un petit peu quand même dans ce film documentaire qui est Kip Story. Enfin, faut pas se. Enfin, voilà. Oui, non, le truc est disponible sur Netflix si vous voulez, mais Kip n'est pas tout blanc, ça c'est voilà, sûr. Voilà, il a même amené au barreau Avala La Chata en disant regardez cette femme là, je l'ai baisée, regardez son trou. Elle avait toujours, on entendait l'écho, on l'a entendu trois fois, regardez son trou. Il dit la fille là-bas, je l'ai pas violée. La preuve, elle peut marcher correctement. Non, là c'est du manque de respect aux actrices. Là, faut arrêter, les gars. Non, vraiment. Ouais, c'est lourd. C'est l'offre. Oui, mais voilà. Mais pour moi, c'est une preuve. C'est une preuve. Mais ça reste une preuve, c'est sûr. La gamine de 18 ans qui a dit « il m'a violé », on a tous vu les deux scènes de sexe, donc que ce soit dans « L'amour sur trois étages » ou dans « Le vrai sur la Clément », la gamine, elle n'aurait pas survécu à Kip Meyers. Hein, ah non, c'est sûr. Donc moi, j'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas. Bah, après, ça reste un autre débat. Ouais, mais après, ça reste un autre débat. Je crois que c'est cette année-là où Paris Match lui offre d'ailleurs la couverture et titre Keep Proco. Ah oui, c'est vrai. C'était un peu limite, d'ailleurs, un peu de mauvais goût. Elle était mythique, oui, bah oui, parce que c'était border, mais c'est vrai que. Bah, le jeu de mots est incroyable en plus. Oui. Mais ils en ont fait plein, hein. Télérama, ils avaient fait un jeu de mots avec Toucan, avec tout full camp. Enfin, ils avaient fait plein de trucs. Il y a eu plein de choses cette année-là. Et là, il y a aussi un pied de nez à Rocco Siffredi en lui disant ouais, Rocco, calme-toi, il y a quand même Kip qui est derrière toi. C'est clair. Ah oui, bah oui. C'est quand même assez. Moi, j'ai trouvé le jeu de mots très intéressant et ça mettait à pied de nez pas mal de gens. Donc, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Fais-nous un peu le pitch de Air Force One 2. Ouais, alors Air Force One 2, en gros, qui est donc la suite de Air Force One, le film d'action de 97 avec Harrison Ford. En fait, si vous ne le connaissez pas, c'est normal, c'était un film à la base qui n'était pas du tout prévu pour être une suite. C'était un autre film d'action dans des avions, mais en gros, c'était un direct to DVD qui n'avait pas de pognon, pas d'ambition. Et c'est juste qu'ils avaient Kip parce que voilà, c'était les seuls films où maintenant ils pouvaient à peu près tourner et avoir un cachet à peu près décent. Parce qu'Hollywood, voilà, comme on avait dit, il a coupé tous les ponts avec notamment ses histoires, tout ça, donc c'était compliqué. Et du coup, voilà, c'est une suite, mais il n'y a quasiment pas de lien, à part une petite apparition de Harrison Ford, et c'était vraiment un truc pathétique, parce que je crois que c'était juste une scène du premier Air Force One qu'ils avaient tourné, ils avaient juste mis dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. Pour les vases, bien sûr, il a poursuivi, et il a eu tout à fait raison. Je suis à la base d'Harrison Ford. J'ai jamais fait cette scène et je suis dans ce film, c'est scandaleux, j'attaque le film en justice, donc évidemment. Et il a eu gain de cause, et tant mieux, justice a été rendue. Et du coup, ça a été réalisé par Robert Butler. Alors pour ceux qui connaissent pas Robert Butler, il a fait un film culte un an avant lui aussi, qui était Turbulence. Donc forcément, t'as le mec de Turbulence et t'as un film d'action dans un avion, t'as Air Force One qui est sorti l'année dernière, t'essayes de profiter. Tu joues là-dessus, bien sûr. Bah, évidemment, voilà, ça reste un business hein, avant tout. Donc du coup, niveau casting, on l'a dit, il y avait Gary Busey qui joue le méchant du film, qui est donc excellent. Là le vice-président, qui est excellent, mais c'est Gary Busey. Il est trop fort, quoi. C'est la base. Et t'as Alyssa Milano qui joue donc la fille de Kip, alors qui n'est pas le président dans ce film. Il joue pas le rôle de Harrison Ford. Il joue le chef de la sécurité de Harrison Ford. Qui s'était fait virer du premier film, parce qu'on a vu dans le premier film que Harrison Ford peut se défendre tout seul quand il avait poussé le méchant de l'avion. On s'est dit, bon, il n'a plus besoin de chef de sécurité. Donc, il gère sa sécurité tout seul. Donc, du coup, ils ont fait il a eu un autre rôle parce qu'ils ne l'ont quand même pas viré parce qu'il était incompétent. C'est juste qu'on n'avait pas besoin de lui dans ce rôle-là. Mmh. Et du coup, ils avaient créé un nouvel avion Air Force One, qui est donc le Super Air Force One. Et ils avaient dit, tu vas nous servir de cobaye, tu vas voir si tout se passe bien niveau protocole, si tu penses que cet avion est aux normes. Donc il part faire un test, et c'est là qu'il y a un autre avion qui arrive, avec des Russes, ou des Bulgares, je sais plus trop. Ah, ça l'équipe est russe, mais le chef est bulgare. Hein. Mmh. Ouais, c'est ça. Mais c'était un peu cliché à l'époque. C'était un peu cliché sur l'Europe de l'Est, c'était un peu limite. Américain mauvais qui crie tout le temps, c'est incroyable. Exactement. Et du coup, ils voulaient détruire le Super Force One pour montrer la dominance sur les États-Unis. Et du coup, c'est là où tu as vraiment Kip Meyers qui essaye de dire que non, j'ai été agent de sécurité, je peux m'en sortir. Et du coup, c'est là où on voit l'aspect suite qui est vraiment poussé, ça, c'est, on va plus loin que dans le premier film, parce que du coup, t'as Kip Meyers qui souvent saute d'un avion à l'autre. Oui, oui, selon les scènes d'action. Il a été athlète olympique, hein, donc il faisait du saut en longueur, il avait le record du monde dans le film, enfin, on le dit, c'est pas lui, mais dans le film. Il saute entre les deux avions régulièrement, oui. C'est assez impressionnant. Bah, avec cette, ouais, scène de, cette scène de fin, après, peut-être que tu vas en parler, mais cette scène de fin, parce que après, c'est pas, c'est, ça m'a marqué. Mais bon, après, moi, j'avoue personnellement, si je peux donner un petit peu mon avis sur ce film, que bah, c'est, ah, vas-y, vas-y. C'est sur ce film vraiment que j'ai pas vu directement, mais que j'ai vu 3-4 ans après. Hein. Je commençais un petit peu à devenir adolescent, et puis bah, on va pas se mentir, hein, Alyssa Milano dans un film, bah, oh, voilà, c'est là où j'ai connu mes premiers émois, donc ça m'a. Bah, déjà, c'est sa fille. Oui. Thomas, tu peux nous rappeler comment ils ont réussi, enfin, comment ça se fait qu'elle se retrouve dans l'avion ? C'est un imbroglio, c'est tout un imbroglio, les gars. En plus, c'est marrant parce que je l'ai revu il y a deux semaines. En fait, ce qui se passe, c'est que justement, le personnage de Kip Meyers s'en va pour faire les tests. Et au même moment, en fait, il s'avère que Alyssa Milano, qui je crois est en équivalent de troisième seconde à l'époque, enfin aux États-Unis, je ne saurais plus exactement dire le grade. Oui, c'est ça, c'était avant qu'elle entre au collège, donc à la fin. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et en fait, il s'avère qu'avec son école, ils étaient partis en bus justement faire une visite des services aéroportuaires de la ville, notamment parce que vu que beaucoup de la, après c'est pas dit comme ça, mais vu qu'on avait compris que beaucoup de la classe était teubée, bon, c'est vrai que la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est guider les avions avec deux lampes. Donc c'est vrai que c'est un peu comme ça qu'ils les guident. Et Alyssa Milano, voilà, se retrouve un peu ici, enfin par hasard. Je trouve que c'était assez méchant envers les ceux qui travaillent dans un aéroport. Genre tel cuit juste pour ranger les bagages. Celle-là, elle est plus vite, frère. Guider les, toi, des notes, guider les avions avec vraiment, les lumières. Tu vois, on voit tous le gogol comme ça. Droite. Très droite. J'en crache à merde. Putain, Thomas, tu me fatigues. Et puis le pilote qui est un peu gogol aussi. Oh, putain, ça brille. Ça brille, c'est des Lucien. Allez, mais on n'a pas entendu ça. Vas-y, j'ai. Et donc, Alyssa Milano qui se retrouve là. Bon, après, c'est pas l'idée de l'histoire. Et puis, bah, forcément, les putain, Christ, un bâtard. Et... Ok, c'est bon. Allez, vas-y. Et Milano qui se retrouve là par hasard, du coup, et comme par hasard, il y a une fille, une petite fille que les méchants vont kidnapper. Je vous la donne en mille. C'est la fille. Bon, ça. Cousu de fil blanc. 90, hein. Cousu de fil blanc. Oui, oui. On est un peu, c'est un peu gros. Et en fait, on comprend très vite qu'ils l'ont kidnappé et qu'ils la mettre dans l'avion en fait, qui est censé poursuivre celui où il y a Kip Meyers. Et puis bah, voilà. C'est quand même la seule qui a traité Gary Busey de face de rat. C'est aussi pour ça. Les autres, autant ils se cachaient avec leurs deux trucs là pour les avions, autant elle a fait front. Donc il a dit, on prend celle-là, quoi. Ah, clairement. Forcément, après, ils comprennent très vite que c'est sa fille. Mais après, voilà, l'histoire est pas basée là-dessus, mais c'est comme ça, en tout cas, que les méchants de l'Est arrivent à prendre la fille et à la mettre dans l'avion. Et c'est ce qui crée une tension, mine de rien, dans le film. Sinon, oui, évidemment, il y va et il est but direct. Sinon, il n'y a pas d'attache émotionnelle. C'est ça, même pour le personnage de Kip Meyers, en vrai. C'est... Franchement, il aurait il pu sauter. Il joue pas très bien dans ce film. Surtout, il avait un parachute. Il aurait pu sauter de l'avion et se barrer. Oui, c'est ça. Et c'était réglé. Son problème, tu vois. Puis après, le fait qu'il y avait chaque fois que lui sautait d'un côté, Gary Busey sautait dans l'autre avion avec sa fille, fait qu'il pouvait pas descendre, quoi. Ouais, non, mais c'est normal. Mais encore une fois, c'est vraiment le côté film facile. Donc, niveau acting, là, Kip Meyers, il donne rien. Il se fait bouffer par Gary Busey. Hein. Ouais, c'est il ça, mais vraiment. Bouffer. Mais après, à l'époque, c'est normal, tu vois. Mais ouais. le seul truc qui fait que le film est devenu très intéressant rétroactivement maintenant dans le contexte de l'époque, c'était que le plan des méchants, c'était que pour détruire l'avion, ils devaient détourner l'avion pour aller le faire s'écraser au World Trade Center. Donc, ouais. Vraiment, il y a eu un côté très. Un côté très prémonition sur ce qui arrivait malheureusement en 2001. Je ne sais pas si les talibans étaient influencés par Air Force One 2, mais en tout cas, la coïncidence est vraiment troublante, quoi. En tout cas, le film, on le voit plus, hein, aux États-Unis depuis cette histoire. C'est clair. En tout cas, moi, je veux juste revenir sur le fait que au moment où ils arrivent à poser le premier avion et qu'il dit à sa fille, quand ils sont encore par radio interposés, parce que lui est encore dans l'autre avion, et qu'il dit à sa fille, écoute, je vais te guider et tu vas poser l'avion. Moi, bon, c'est un peu le moment où je me suis dit, bon, la fille de 13 ans qui pose l'avion, c'est un peu gros. Ouais, ça fait beaucoup, là. Ouais, mais attends, c'est beaucoup. La fille de Kip Meyers, quoi. Oui, non, enfin, mais je peux pas dire... tu peux pas dire, je peux pas dire le contraire. On a vu dans le flashback au début. Non, c'est pas Kip Meyers, faut pas mélanger le personnage et l'acteur. Non, mais on a vu dans le flashback au début qu'il a complètement entraîné. Elle sait tout faire. Enfin, je veux dire, avec les ninjas, au début, tu vois, elle a quoi? Elle a 6 ans. Oui, 6 ans, c'est quand même assez fou, ça. Il est engagé, ils font sur lui, et elle retourne tout le monde. Il lui fait conduire son gros pick-up. Et la gamine, elle a des grosses briques juste en dessous de ses pieds. Elle conduit le pick-up, elle fait des dérapages. La fille, elle a été surentraînée depuis toute petite. Et là, moi, ça m'a pas trop choqué. C'est un film d'action à la con. Et le fait que, voilà, moi, à 13 ans, elle pose un avion, il n'y a pas de souci. Après, ça reste un DTV tout merdique. Hein. Oui, bien sûr. Si vous avez aimé Air Force One, je vous conseille pas Air Force One. Non, c'est un peu. Il n'y a pas de pognon, les avions, ils sont minables. Si, regardez-le pour Kip Meyers, mais c'est tout, vraiment. Fin... Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment la seule Kip Meyers, il faisait acte de présence. Hein, oui, ce c'est clair. Ça se voit qu'il est défoncé à la cocaïne aussi, parce qu'il joue à moitié. Deux tiers de ses scènes, il est assis, en vrai. Bah après, ouais, je suis d'accord, mais après, enfin, je trouve qu'il revient quand même sur le devant de la scène en 2003, quoi. On va peut-être, on a fini de parler de ce film-là, ou on parle du film suivant, je sais pas. J'ai pas d'autres scènes qui m'ont marqué. Si, quand l'avion fait un sollie au-dessus du premier avion, c'était assez impressionnant visuellement, vrai. Mais c'est le seul scène où comment c'est là où il y a eu tout le pognon. Oui, bien sûr, après, c'est le money shot. C'est une action minable, quoi. Vraiment, c'est du direct ou DVD. Les coups sont pas portés. Tu m'as pas parlé de la mort de Gary Buzet, Grey. Ah oui, c'est vrai. Alors. Du coup, ils avaient voulu rendre hommage au premier Air Force One, où tu avais Harrison Ford qui dit « Get out of my plane » et il dégage Gary Oldman. Scène absolument mythique. Et du coup, là, ils avaient voulu faire un peu ça. Get out of my plane, too. ils avaient voulu faire ça un peu en forcé. Et du coup, t'as Kip Meyers qui dit ça à Gary Buzet une première fois et il le repousse dans l'autre avion. Et ensuite, il va dans l'autre avion et il lui redit une deuxième fois « Get off my plane » et là, il le pousse dans le moteur de l'autre avion. Donc, il y a eu cet aspect double, juste pour faire « Ah, c'est plus fort bon, parce qu'on pense suite. » C'est vraiment… Ouais, voilà, c'est un 2, quoi. Donc, quand mais Gary Buzet, vers l'autre avion, il cabotine, dans le bon sens, bon, tu vois. Et tu comprends là qu'il est condamné, tu vois, tu le comprends. Et franchement, moi, j'ai kiffé. Moi, Ça reste une mort c'est marrante. C'est genre de méchant. Gary qui tombe dans un moteur d'avion, ça fait toujours rire. Bah, hein, c'est le méchant des années 90, comme j'aimais bien à l'époque. Et voilà, moi, je prends. Bien sûr. Ouais, mais c'était la fin des années 90, c'est ça le problème, c'était pas le début. Oui, parce qu'après, voilà, il a fait une grosse boulette, notre ami. Oui, je vais vous en parler. On lui avait proposé le rôle de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, qu'il a refusé. Mais j'ai pas compris. Pour jouer dans. Pour cause de mal de mer. Oui. Non, il a. Bah, si, quand même. Il a voulu rentrer dans le grand cinéma. Avec un scénario vraiment spécial. Oui, voilà. Après. Mais écoute, je vais lancer le film et tu vas m'en parler. Donc, il a tourné avec monsieur Terry Gilliam. C'est un rêve d'enfance pour lui. Dans un film. Donc, il a donc refusé Pirates des Caraïbes pour jouer dans Le merveilleux docteur Brutulhur et sa magnifique machine à bulles. Et un film avec James Franco, Natalie Portman. Peter O'Toole, mais bon, on va expliquer un peu ce qui s'est passé avec lui. Oui, ouais. Brad Pitt, qui joue une licorne, Jack Black, Sean Bean, Viggo Mortensen, Meryl Streep et Michael Douglas. Vas-y, fais-moi un petit peu le pitch de ce film. Déjà, avant de parler de pitch, je trouve ça important de remettre un petit peu de contexte. C'est vrai que c'est un film qui est sorti en 2003 et Terry Gilliam, c'est là où il va commencer vraiment à forger son image de réalisateur malchanceux, parce que vraiment, on va pas se mentir, c'est à cause de ce film qui va couler la toute nouvelle boîte de prod mondiale qui est Miramol. Alors, pour ceux qui connaissent pas Miramol, vraiment, c'est au début des années 2000, il y a Harvey Weinstein qui souhaite s'ouvrir vraiment à un marché très très international, et après une soirée avec Luc Besson visiblement, et pour ça il se rapproche du groupe Endemol, et de ce rapprochement, mais consenti cette fois, sera créé Miramol. Pour une distribution, pour une distribution vraiment d'abord européenne avant d'être américaine. Moi, je trouve que Besson et Weinstein, c'est des gens tout à fait respectables. Et alors, c'est, bien c'est évidemment. C'est sur cet épisode que je m'en vais. Je quitte tout ce qui vient. Et bien évidemment, pour son premier et seul film, la société Miramol choisira Gilliam, qui accouche du merveilleux docteur Brulutuhur et sa magnifique machine à bulles. Pardon. Excusez-moi, je suis un peu sous l'émotion. Alors le synopsis vite fait quand même, donc c'est le docteur Brulutuhur qui était un inventeur de génie, ou plutôt était, parce que depuis que sa femme est disparue, il n'est plus que l'ombre de lui-même, mais quand même chaque fois qu'il s'endort, il reçoit la visite de Michel, qui est joué du coup par Nathalie Portman, qui lui montre que sa prochaine invention va révolutionner le monde, mais que malgré tout ça se fera au profit de sa relation déjà tendue avec Mangold, son fils, qui est joué par James Franco. Et je trouve ce film, mais vraiment, on est sur une comédie dramatique, hein, on va pas se mentir, avec une problématique vraiment liée à la reconnaissance, mais malgré tout, enfin, après, voilà, moi, ça m'émeut un peu de parler de ce film, parce que c'est la reconnaissance face à sa famille, mais aussi face au monde, malgré tout. C'est un récit que j'ai trouvé fort et poignant, qui montre vraiment toutes les facettes de l'humanité. Et vraiment, hein, on est sur un film quand même de Terry Gilliam. À l'époque, il y avait Nathalie Portman, James Franco, donc un qui sort de Spider-Man, l'autre qui sort de Star Wars. Mais il n'est pas connu du tout. Mais pour moi, je ne sais pas, vous allez me dire, hein, mais pour moi, c'est la performance de Kip la plus aboutie à ce jour. Vraiment. Ah, mais d'accord pour dire que c'est un grand film, mais... Ah, mais oui. Je crois qu'on n'est pas prêt. Je crois que peut-être que toi, il est un peu abscon, quoi. C'est ça, il est un peu abscon. Il y a le côté. Peut-être qu'il est trop avant-gardiste et je sais pas si on est encore prêt aujourd'hui à vraiment comprendre le fond du truc. Alors après, je vois ce que tu peux dire. Non, mais ouais. Je trouve que c'est, enfin, pour moi personnellement, c'est peut-être un peu trop et il y a trop de faux. Je suis largué et c'est dommage. Après, il y a quelques petits tips que j'arrive à piger, mais sur la longueur du film, et ben au bout d'un moment, moi je pédale dans la smoule, quoi. Ouais, mais je trouve quand même qu'il y a. C'est nihiliste. Oui, mais il y a quand même ce truc. C'est incompréhensible. Hein. Ce truc assez. Ouais, mais c'est parce que c'est assez poétique, en fait. C'est un truc. C'est dans la rêverie. C'est tout dans le suggéré. Donc moi je trouve ça fort quand même. Thomas. Ouais, non, mais moi je suis d'accord avec Flo. Enfin, je vois ce qu'il veut dire. Je comprends. Après, voilà. Ça s'est dit d'ailleurs après, c'est vraiment les producteurs lui ont vendu en disant voilà, là c'est ton rôle à Oscar, tu vois. Voilà, là tu vas exploser. Et je pense qu'ils lui ont un peu trop monté la tête à ce niveau-là. Il n'a pas pu le jouer, je pense, comme il. J'essaie de le dire avec mes mots, mais voilà, il joue, hein. Enfin, ça on ne peut pas lui enlever le contraire. Il joue, il joue incroyablement bien. Après, voilà, d'un point de vue scénario, je pense que c'est un peu plus dur et c'est dommage parce que je pense que s'il y a un film dans la carrière où peut-être il aurait pu prétendre vraiment à une vraie, réelle et concrète nomination aux Oscars, ça aurait été celui-là. Bien sûr. Mais je pense que c'est dommage. C'était son Ciao Pantin. Ah bah bien sûr. Ouais, mais par contre, le box-office du film n'a pas aidé. Donc c'était film. Il a été l'acteur le mieux payé de tous les temps pour ce film. Ouais, 60 millions de dollars. Plus 60 millions. Il devait toucher 10% des recettes. Alors. Je pense que t'as des chiffres un peu biaisés, hein, sur ce truc-là. Donc. T'as créé des autres. Vas-y. Donc ouais, non vraiment, on est sur un film qui a un budget de 140 millions de dollars au total, avec déjà et c'est là où je trouve que effectivement c'est un film qui est décrié, mais c'est normal parce que sur les 140 millions, il y a déjà 100 millions pour Kip Myers, voilà. Enfin, après, faut 60 millions. Après, c'est des primes. Enfin, mais oui, non, mais bien sûr. Mais voilà, c'est au total, ça faisait 100 millions. Il faut savoir que on est en 2003 et en 2000, l'acteur le mieux payé, c'était Bruce Willis avec 73,9 millions. Donc, voilà, on est quand même sur un niveau au-dessus. Et il y a aussi 2 millions pour Peter O'Toole qui a fait qui est presque mort. Oui, et qui a fait Whitey l'ancien. Enfin, le gars, pour 18 secondes, il prend 2 millions. Moi ça me choque. Après, il a été remplacé par Samuel L. Jackson, mais je trouve ça un peu bizarre parce que c'est beau, hein, il y a un message anti-raciste, donc en 18 secondes le mec est remplacé. Bien sûr, mais parce que, il ne bougeait pas, hein, donc... mais comme à la fin on se rend compte que en fait c'est le père de Kip Myers, tu te dis après voilà, je spoil, mais c'est un film de 2003, non, il y a pas vraiment de spoil, mais personne l'a vu, hein, parce que rappelle-moi combien le film a fait au box office. Ouais, c'est vrai. Alors le film a coûté 140 millions, je le disais, mais il a rapporté 17 000 dollars au box-office mondial. Alors c'est pas juste les US, ouais, c'est mondial, ouais, vraiment. Tu vois, c'est là où je te dis où en fait peut-être qu'il est trop avant-gardiste. Ouais, pour, bien sûr, je sais. En fait, actuellement, je pense que c'est 10% sur les recettes que devait prendre Kip Meyers sont risibles. Il a touché $1,700. Ouais, c'est bah, bien sûr. C'est n'importe quoi. C'est ridicule pour un cachet d'acteur. C'est ridicule. Mais voilà, moi c'est ça reste, c'est pour ça que je voulais en parler aussi, parce que ça reste mon film, un de mes films préférés, et j'ai vraiment trouvé ce truc poétique. Ça m'amène dans des univers mais fou. Moi je suis impressionné par la première fois où on voit la machine à bulles, et j'aimerais bien que Flonny nous en parle. Moi, la machine à bulles, après, je vous dis, hein, moi, j'ai pas vraiment accroché avec le film. Le fait que la machine à bulles, en fait, ça soit tout simplement une. De toute façon, faut l'appeler comme c'est. Hein, c'est une machine à pop-corn, hein, à la base, où les gars, à la place de foutre du maïs et de le faire chauffer, en fait, il y a tout un mécanisme qui balance des bulles. Et en fait, à chaque fois que tu touches cette bulle-là, tu t'en vas dans. Alors, je dirais pas un univers. Un monde fantastique. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, où en fait, chaque bulle, en fait, si la bulle te touche, tu rencontres un nouvel univers, avec des personnages différents, etc. Enfin, c'est ça où en fait, chaque bulle représente un univers. Et en fait, d'un coup, ça va aller sur un personnage, boum, on part quelque part. Après, il y a une autre bulle qui part, on part encore autre part. Je pense que l'idée est vraiment très intéressante, mais pour moi en fait ce film là il a été fait peut-être trop tôt, 15 ou 20 ans trop tôt en fait. Et puis après je pense que le choix de la musique y a joué aussi, parce que la musique, on est quand même sur le grand John Williams, mais après je pense que moi je l'ai vu en français, hein, bien évidemment, et je pense que c'est là que ça peut aussi jouer un petit peu, parce que là où il y avait le film Le Jour d'après qui prenait une chanson de Chimamanda, là on est quand même sur une BO de John Williams avec quelques morceaux d'Eddie Mitchell et d'autres de Jean-Pascal Lacoste. Donc ouais, je pense que ça peut jouer un peu sur le truc, quoi. Oui, c'est un provocateur, c'est un agitateur. C'est pas une bonne idée de base. Hein. Il y a eu, en fait, c'était un gros projet, mais qui, voilà, le c'était pas la hauteur de ses ambitions. Comme l'a dit Flonny, c'est arrivé beaucoup trop tôt. Ouais, je pense que je te dis 15-20 ans. Je crois que tu le fais ouais. Maintenant, tu peux faire quelque chose. Hein. Ouais, tu peux aller un peu plus loin. Avec les spéciaux et tout. Voilà, avec l'après Avatar et tout ça. C'est ça. Et en fait, ça a été fait avant tout ça. Et en fait, tu sais, tout ce qui est milieu fantastique, le MCU n'est pas encore supra développé, etc. Donc, si tu veux, tout l'univers fantastique. Alors ouais, c'est super bien fait, ok, d'accord, ça, sur ça on peut pas l'enlever, mais en fait si tu veux on part tellement d'un endroit à un autre, dès que la bulle, comme je disais tout à l'heure, hein, la machine se met en route, ça tourne, boum, les bulles commencent à partir dans tous les sens, et là en fait c'est on part... C'est pas génial, hein. Hein, on voit pas super bien, hein. c'est pas super visible. Non mais c'est ça, et en fait... Il y a trop d'ellipses, excuse Flonny, mais il y a trop d'ellipses, c'est entre les voyages, un voyage à gauche, un voyage à droite, on sait plus trop exactement où il va... C'est vrai qu'avec tous les voyages qu'il fait, de temps en temps, c'est quand même assez... Moi, c'est ce que j'avais du mal à suivre, hein, quand même. Hein. Ouais. Moi, je voudrais... très abscon, hein. Je voudrais demander à Gray, donc, il y a deux semaines, on a parlé de Brad Pitt. Qu'est-ce que tu penses de sa prestation en licorne dans le film? C'est assez anecdotique dans sa carrière, on va pas se mentir. C'était aussi là où, en 2003, il venait de faire le film 3. Niveau carrière, voilà, on sait que Brad Pitt, il était pas à son sommet à ce moment-là. Mais quand même, c'est toujours une belle prestation, c'est toujours un rôle important. Il avait fait un tout petit rôle dans Thelma et Louise et il avait marqué son monde. Bah là, il fait un tout petit rôle dans le rôle d'une licorne. Bon, il fait que doubler la voix, mais on le reconnaît très clairement. Oui, il y a son visage, hein, quand même. Oui. Et puis en plus, j'allais dire, le doubleur, même... Presque 6 millions de dollars, rien que pour modeler son visage en visage de cheval, quoi. Oui, non, mais bien sûr. D'un point de vue purement technique, c'était impressionnant. Et le doubleur était le doubleur français de Brad Pitt, donc ça aide beaucoup. Donc non, pas mal. Il y a eu pas mal de séquences comme ça, et c'était un bon rôle pour Brad Pitt. Mais là, je pense, c'est pas le film qui l'a mis vraiment le plus en valeur. Ça aurait pu être n'importe quel acteur connu. L'effet aurait été le même, ça aurait été juste techniquement, c'était impressionnant, mais on aurait pu mettre n'importe qui dans le rôle de cette licorne, quoi. Vraiment, c'était un peu secondaire pour Brad Pitt. Je trouve que c'était juste un petit détail dans sa carrière, finalement. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire sur le docteur Crutulure et sa magnifique machine à bulles? Non, je pense qu'on va pouvoir passer, je pense, à la suite parce que Flony a très envie de parler de la suite de la carrière de Kip Meyers. Oui, donc après cet échec, notre ami Kip est parti en Roumanie tourner des DTV. Il en a fait beaucoup, hein. Oui. Donc on peut citer Un flic, une cible, Gachette Man, le capitaine en danger, Les trois qu'il fallait pas chercher avec Nicolas Cage et Bruce Willis, Dans la crypte du dragon avec Dolph Lundgren. Oui. Mais, oui, grand film. Hein. Mm. La crypte du dragon avec Dolph Lundgren, c'était excellent. Bon, le dragon était super mal fait. Mais il y a eu Infernal Cop, Revenge from the Grave, avec Oleg Vladimir, Yandabuni Bibiscu, Giordini Kantemir. Avec la musique de nos copains de Ozone, qui sont devenus producteurs exécutifs du film. Mais ça, c'est Florent qui va nous raconter un peu. Pas du tout, c'est moi. C'est Flony. C'est moi. Parce que ce film-là, je t'avoue que je ne l'ai pas vu. Non, moi je voulais. Ah non. Eh ben, je vais vous parler d'Infernal Cop, hein, donc Revenge from the Grave. Donc tout simplement, j'ai pris la version en français, ça veut dire tout simplement le flic infernal. Mais du coup, au Québec, ils l'ont appelé tout simplement le commissaire infernal, la vengeance de la tombe. Alors, putain, les mecs. C'est un peu rallonge, on va pas se mentir. Mais les mecs, je te jure, vraiment, on prend mot pour mot à la française, quoi. Donc il sort en novembre 2011. Donc juste le pitch, pardon, comme les petites brioches fourrées. Le pitch dans ma patch. Pas de marque, s'il vous plaît. Ah, pardon, excusez-moi. Pardon, donc, désolé. Pitch, Pépito et Savane. Je vous écoute, hein, les gars. Très bien. C'est un ancien flic qu'on appelait Infernal Cop, qui ne se remet pas de la mort de sa femme. Il retrouve les assassins de sa femme, mais sa fille se fait enlever par le cartel. Alors clairement, donc là on est un peu, moi c'est comme ça que je le vois en fait. C'est le après Tekken en fait. Il y a Tekken qui est sorti, c'est le après Tekken. Mais en fait, si vous voulez, Infernal Cop c'est un peu c'est un peu Pokémon et Tekken c'est un peu le Digimon. D'accord. Ah oui. Ah oui, non mais parce que moi je l'ai pas. Ah ouais, non mais tu me donnes. Je te trouve dur quand même. Non mais déjà là il me donne envie de le voir. Je vais vous expliquer pourquoi. Non mais là c'est surtout la prestation, je pense, d'Kip Meyers. Enfin, je pense. Mais tu vas voir, ça va même plus loin. Ça va même plus loin. Donc tu as dit, il a joué avec Oleg Vladimir, qui a joué notamment dans Scoubatrix ou Les Fourberies de Scaphandre. C'est un peu le Gravité. Oui, grand acteur roumain. Attends. Donc il est avec notamment Oleg Vladimir, qui a joué dans Scoubatrix ou Les Fourberies de Scaphandre. C'est une sorte de Gravité mais sous l'eau. Gravity, pardon. Oui, sous ouais, l'eau. Bah ouais. Donc les mecs étaient quand même précurseurs. Après il y a Giordini Bibescu qui a joué dans Why Me. C'est une série autobiographique de l'alcool, de l'acteur, pardon. De l'alcool. Pas de l'alcool, mais de l'acteur, pardon, excusez-moi. Qui est d'ailleurs, juste pour l'anecdote, qui est maintenant sur Dailymotion depuis la semaine dernière. Ah ouais? Donc très intéressant. Ah, c'est fort. Ah, je l'ai cherché. D'ailleurs, c'est un carton parce qu'il fait plus de 32 vues par épisode, ce qui sur Dailymotion est absolument. Ah, c'est incroyable. Hein. Le mec est en top. Dailymotion, c'est il est en top one. Hein. Et après, il y a du coup. Mais là, on aura 33 parce que moi, je m'y mets de ce soir. Bah, non, mais, ah, let's go. C'est depuis la semaine dernière, donc franchement, c'est plutôt stylé. Et après, il y a Giordi Kantemir qui a joué notamment dans Hard to Be a Baby. Qui est, Attends, je vais la refaire. Exceptionnel. Exceptionnel. Attends. Parce que du coup, si on se marre, ça va être chiant. Attends, on va juste la refaire. Dès que t'as dit Jordi, j'ai pensé non, direct. Attends. Incroyable. Il y a aussi, donc, tu le disais tout à l'heure, Giordi Kantemir qui a joué dans Hard to Be a Baby, mais qui oui. est une pépite. Oh. Une pépite, une d'ailleurs. Pépite indé. Oh là là. Qui est assez incroyable. Incroyable. Et du coup, pour revenir au film, alors il est très précurseur. Parce que au niveau de l'immersion, moi ce que j'ai aimé et là je pense que vraiment Flo, tu vas vraiment kiffer. En fait, toutes les scènes de combat, elles sont toutes illustrées du style BD Kid Paddle. Oh, trop bien. Mais non, mec, c'est un peu notre enfance, tu vois. Enfin, mais c'est exceptionnel, en fait, ça. Dès qu'il y a une scène de combat, en fait, ça bifurque en mode BD. Et en fait, c'est plus un film, hein, c'est une sorte de BD, de dessin animé, etc. Donc moi, j'ai trouvé un peu d'univers manga là-dedans. Donc j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Après, il y a Scott Pilgrim en vrai, avant l'heure. Hein. Ouais, voilà, mais c'est ça. Mais c'est exactement ça, tu vois. Donc moi, j'ai aimé ce truc-là. Ensuite, bah, c'est, en fait, c'est le premier film qui a été en partenariat avec un jeu vidéo. Et en fait, alors, ils parlaient à l'époque de faire des suites, et en fait, c'était le premier. Donc, en fait, ils étaient en partenariat avec GTA 1 et GTA 2. Et en fait, toutes les scènes de course-poursuite sont extraites du jeu vidéo. Non! Non. Ah, c'est pour ça, c'est la vue du dessus. Ah, exactement. D'accord. Ça explique la vue du dessus. Ça explique la vue du dessus. Ah, et en fait, c'est une anecdote. Et en fait, si vous voulez, le truc qu'il y a, c'est qu'après, normalement, on devait passer sur du GTA San Andreas, Vice City, etc. Le GTA 4. Bon, là, pour l'instant, bah, clairement, ça s'est un peu stoppé. Et moi, je vais juste revenir sur une scène. Une scène qui, pour moi. Bah, après, vous allez dire, ouais, en fait, dès que tu vois Keith Meyers, tu prends à chaque fois les mêmes scènes, mais. Mais moi, je l'ai trouvé assez exceptionnel, la scène mythique où il est avec dans son jardin. Non, du tout. Ouais, ça aurait été marrant. C'est qu'elle lui donne une fourchette. Et à la fin, il peut bouffer son cassoulet. Enfin, c'est incroyable. Non, mais la scène mythique. Amir, pas de souhait. La scène mythique dans son jardin avec son chien qui cherche son os. Ah oui, oui. C'est beau. Moi, je vais vous dire une chose, les frissons. Tu spoil carrément, par contre. Hein. Ouais. Bah, après, 2011, les mecs, ça fait 10 ans. C'est sûr, mais bon. Vas-y, vas-y, ça va. Le jeu d'acteur, assez incroyable, mais moi, ce qui m'a rendu ouf et qui m'a encore élevé Keith Meyers, c'est que le mec arrive même à faire jouer des animaux, d'accord ? Et où on sent dans le regard du chien une tristesse. Et en même temps, une espèce d'ascenseur émotionnel là où il est triste, il cherche, il est avec lui. Enfin, vous voyez, la scène. Le truc, il est à quatre pattes dans l'herbe, en train de gratter avec son chien, en train de chercher l'os. Il y a une espèce de truc avec une musique vraiment là, quoi. Et quand il le trouve, cette espèce de jouissance de carnaval, hein, parce qu'il prend son chien avec ses voisins, il commence à partir en fête du voisinage, etc. Tout le monde était content de retrouver cet os-là. Et c'est là où on voit la touche du réalisateur, Marius Anka, hein, que vous connaissez sûrement. Et moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est tout ce fait d'être avant-gardiste sur des choses, hein. Mais là, il ne va pas aussi loin que ton film que tu nous présentais, Florent. Mais il y a quand même les scènes de combat illustrées BD, le fait des courses-poursuites en contre-plongée. Mais moi, ce qui m'a touché, c'est un peu comment il retrouve sa fille. Bah, d'ailleurs, Chris, toi, tu l'as vu. Bah oui, mais c'est grâce à l'os justement du chien qui cherchait son os à lui. Et qui a retrouvé justement le tibia de l'ancien voisin qui a été assassiné par le cartel. Et grâce à l'ADN, ils ont pu retrouver sa fille, quoi. Incroyable. C'est un film qui a eu tellement de succès en DTV qu'il a eu une ressortie cinéma. Oui, c'est vrai, c'est un des seuls. Films, hein. C'est un des seuls. J'en ai entendu parler, j'étais pas hypé, mais ouais, c'est vrai que ça a quand même eu une. Il y en a eu un avec Nicolas Cage. Gray pourra peut-être m'aider, je ne sais plus. Dans qui était en DTV et qui est ressorti au cinéma. Oui, avec lui, il y a dû en avoir plusieurs. C'était peut-être un Pays de Ghost ou quelque chose comme ça. Ouais, un truc dans le style. Et il y avait eu Universal Soldier aussi, le dernier, avec Scott Adkins aussi. Qui oui, avec. Et bien, ça, c'est. Voilà, c'est un des trois qui avait tellement cartonné en DVD qu'on l'a envoyé au cinéma. Et c'est le renouveau de Keith Meyers. Ouais. Oui, on s'est dit, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. J'ai une petite anecdote d'ailleurs sur ce film. On reparlait de sa carrière dans le porno au tout début. Et il faut savoir justement qu'il y a une parodie pornographique de ce film. Et en fait, il y a une parodie très forte qui reprend la scène dont a parlé Flony, où justement son chien cherche un os. Et après avoir trouvé, il prend son chien pour aller chez les voisins. Là, dans cette version, c'était un peu l'inverse qui a été joué. C'était un beau pied de nez parce que du coup, il était avec son chien et il prenait ses voisins. Donc vraiment, il y avait ce côté un peu pied de nez au film original qui était très intéressant, je trouve. Incroyable. Ouais, non, vraiment, vraiment une belle scène. Mais moi, Infernal Cop, j'ai trouvé vraiment cool. Un peu sympa, anecdotique par rapport à d'autres films. C'est moins marquant qu'un Docteur Brûlure, forcément. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des films comme ça. Mais Pour des trucs DTV, je trouve que c'est hyper honnête, quoi. Vraiment, ils se foutent pas. Tu t'y attends pas, tu vois. Après avoir vu un flic, une cible, par exemple, tu dis, il est mort. On le verra plus jamais, Kip Meyers. Et là, il arrive et paf, il illumine l'écran, quoi. C'est clair, Florent. C'est clair. Bah après, comme je te dis, moi, je. Ah non, je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu. Donc ça sert à rien de me demander, en fait. Du coup. Mais c'est bien. Après, c'est bien. Après, toi, t'as acheté le DVD puis le Blu-ray pour les bonus. Ouais, parce qu'il y avait il y avait un poster avec le Blu-ray. C'est vrai que le poster était sympa parce qu'il y avait des autocollants, en fait, et tu plaçais les balles du revolver en fonction sur le poster. Enfin voilà, c'était sympa, je sais pas si vous vous rappelez. Ouais, qui était très interactif. Qui était interactif, mais qu'au final était con à souhait, quand, avec du recul. Et en fait, bah voilà, on reste quand même sur un film roumain, les gars. Donc oui, quand même, bien sûr. C'est un bon film, mais voilà, les décors sont quand même très roumains, quand même. Bien sûr, les acteurs. C'est clair que quand tu vois Los Angeles écrit et que tu vois en arrière-plan, tu vois Sophia derrière, tu vois, sur le papier, t'y crois pas une seconde, quoi. Tu vois, tu te dis mais non. Mais bon, oui, c'est un bon film. C'est pour moi, c'est le bon divertissement du dimanche soir. Voilà. Bah moi, en fait, pour être honnête avec vous, moi, ça a été le film vraiment qui m'a fait découvrir Kip Meyers. C'est-à-dire qu'avant ce film-là, j'ai aimé. Hein, je vous dis, il y a eu la fois à la tour à Disney, etc., où je découvre un peu. Mais là, en fait, c'est là qui ça m'a donné envie de voir toute la filmographie de Kip Meyers. Mais t'as semblé plus humain déjà, parce que il a l'air. On dirait que c'est un dieu. Et là, c'est l'air humain dans ce film. C'est ça. Et en fait, moi, ça m'a permis. En fait, c'est là où je me suis dit, bon bah, j'avais vu ce film-là qui était incroyable à Disney. Je me dis. Bah, je vais regarder celui-là quand même. Et en fait, c'est vraiment celui-ci où j'ai dit, bah, attends, là, je pense qu'il y a quand même un truc. Et maintenant, bah, je me tape toute la filmographie et c'est là où en fait, j'ai enchaîné, quoi. Je me suis fait un marathon Kip Meyers. Incroyable. Incroyable. Ouais. Mais ça, c'est devenu une tradition pour beaucoup d'Américains. D'ailleurs, je crois que c'est le 11 mars, non? C'est ça, non? Oui. Le Kip Meyers Day, c'est ça, le 11 mars, oui, tout à fait. Ouais, c'est ça, le 11 mars, où la tradition est de se regarder au moins 5 films désordre de Kip Meyers. Ouais, et enchaîner. Et c'est là, où Netflix est fort, c'est qu'en fait le 11 mars, en fait, vous savez là, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée il y a quelques temps où en fait ils choisissent le film à votre place. Et en fait pour le 11 mars, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un truc spécial Kip Meyers, et en fait tu mets au pif et en fait tu regardes du coup les films dans l'ordre que Netflix donne, en fait c'est un algorithme. Et en fait, mais c'est quoi forcément que tu mettes comme film le 11 mars, c'est Kip Meyers. Tu veux regarder You? Oui, c'est Kip Meyers. Kip Meyers. Et c'est là, où les gars sont forts. Comme d'avec Netflix, c'est ça qui est un peu chiant, ils n'ont pas les meilleurs films de sa carrière, tu vois. Ils n'ont pas Alabama Smith 1. Non, ça, ils n'ont pas. Ils ont que le 3. Et le 4 qui n'existe pas, on va. C'est ça. Et ils n'ont pas la crypte du dragon, par contre, ils ont deux filles, une coupe, tu vois. Donc, vraiment. Je sais pas. Je sais pas si vous avez essayé cette tradition, ils appellent ça le paprika bread. En fait, toute la journée, il faut manger que du pain. Parsemé de paprika, en fait, c'est ni plus ni moins. Je crois que la recette, c'est juste ça. Ah non, nous on n'a pas ça en Belgique, on a le frites day, donc. Vous avez le frites day, en tout cas, vous avez. Ah, mais ça, c'est un truc de Kip Meyers, c'est exceptionnel. J'ai jamais pris de claque sur ce paprika bread, mais bon, voilà, c'est les Américains, c'est nos amis les Américains, ils aiment leurs petites traditions. Ouais, ils ont ce côté un peu culturel qui est vraiment à côté, quoi, clairement. Mais écoute, mon ami Flony, tu nous as super bien vendu. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, nous on l'a vu. Ah moi je l'ai pas vu, mais ça donne envie de le voir. Mais après, encore une fois, tu m'as pas parlé du groupe Ozone. Je voulais en revenir. Je voulais revenir. En fait, si vous voulez, c'est assez incroyable. Donc Ozone. Rechante un peu la chanson. Attends, laisse-moi lancer, s'il te plaît, le groupe Ozone. En fait, c'est là où c'est très fort. Parce que Ozone 2011, tout le monde sait qui c'est, en fait. Tout le monde connaît Ozone. Et c'est vrai qu'ils prennent un parti pris. Alors certes, hein, c'est un film roumain, etc. Mais là où ils sont forts, c'est que Ozone a une carrière un peu planétaire avec leur titre Dragostea Dintei. Mais là où ils sont forts, c'est qu'ils ont dit on va aller plus loin. Et en fait, vous allez devenir donc producteur exécutif de la BO. Hein, c'est-à-dire qu'ils font tous les sons. Dans le film, Et en fait, c'est là où c'est très fort. Et après, bah, forcément, il y a cette musique de fin. Hein. Alors, excusez-moi des paroles. Je vais le faire en nanana parce que du coup, moi, je suis perso, j'ai pas fait LV4 roumain. Hein, ça n'existait pas dans mon bahut. Mais vous allez voir, vous allez me dire si vous reconnaissez direct. Hein. Tana, tana, tana, nana, nana, tana, tana, nana, nana, tana. J'entends le solo d'accordéon. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est fou. Comme ça, c'est dingue. Et c'est fou. Tididu, tididu, non mais c'est ça. Et toutes les petites, enfin après ça reste du ozone. Hein. C'est ça. Putain, ça déchire. Et après, moi j'ai aimé. J'ai aimé aussi un peu le running gag que dans chaque chanson de la du film. En fait, il y a forcément le allô et ça en fait moi ça m'a fait galerie de ouf parce que en bah, fait les mecs rajouté, non bah, mais c'est ça fin, donc quand, ouais, bah, oui. Quand Kim Myers a mis la bombe dans le téléphone du méchant, ouais grave, ouais allô, non mais c'est marrant, c'est un espèce de running gag tout au long, mais j'ai du tellement truc. Envie de le voir, non mais mec c'est incroyable, ah, non, c'est incroyable, la tête du méchant qui explose, ouais. Allô, c'est incroyable. Allô, ouais, il a explosé. Vraiment quoi. Incroyable. Et en fait, j'ai aimé ça et du coup, ouais, voilà, en fait, il y a un réel suivi, il y a vraiment une direction artistique hein, choisie par Ozone. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un fil conducteur qui est le allô. Non mais c'est ouf, tu vois, tu te dis, mais les mecs avec ça, ils ont réussi de faire un truc de malade. Et moi, ce que je regrette un peu, c'est qu'on va retenir le film. Mais on va pas assez retenir la BO, et en fait, dès qu'on parle d'Ozone, on parle forcément de Drago Stalintay, mais on ne parle oui, pas. Ils ne seront pas respectés. Hein. Non, mais c'est ça. Mais et après, je me pose. Ils peuvent faire deux ou trois films comme ça avant d'être connus, mais ils sont trop marqués par leurs chansons. Mais c'est ça. C'est ça. Et du coup. C'est le problème avec plein de groupes, hein. C'est pas que. Non, eux, mais c'est ça. Mais j'ai envie de dire ça. Continuera d'arriver. C'est même le problème, des fois, avec des acteurs qui sont forcément affiliés à une image d'un acteur, et en fait, on n'arrive pas à les bouger de là. Et on a beau les voir dans d'autres films, mais non, lui, c'est tel. Ça, c'est, tu c'est penses à personnage. Du Bosque, tu l'imagines en slip. Quoi. Non, mais c'est ça. Mais c'est exactement tu sais ça. Tu ne sais pas le voir autrement. Quand d'ailleurs, tu es premier, tu dis non. D'ailleurs, est-ce qu'on peut avoir l'avis de Clégo sur Bienvenue à bord, s'il vous plaît? Les débats sont lancés. Mais du coup, voilà, moi ce que j'ai aimé, c'est ça. C'est un peu le. Bah, en fait, je vais dire que c'est un. Alors, il y en a, ils vont dire, ouais, c'est le film de la maturité, etc., pour rigoler. Mais moi, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas le film de l'audace? C'est de l'audace ou. C'est le gars qui t'a rendu un direct ou DVD hyper cool. Bah, hyper cool, qui repasse là, après au cinéma. Enfin, s'il fallait oser. Ouais. S'il fallait oser. Donc, c'est. Il a joué dans des films de merde, il était à une mauvaise période. Un jour, je crois que dans ce film-là, il n'était pas sous influence. Mmh. Et il s'est dit, je vais redevenir Kip Myers. Exactement. Et je vais leur montrer que même si un tocard avec une caméra, je vais lui montrer que je peux être excellent. Et ça a explosé tout. Bien sûr. Le DVD, ils en ont vendu 274 millions. Ouais. Ce qui est énorme pour un DVD. Et je crois que c'est un peu exagéré les chiffres. Mais, ont... mais pas forcément, parce que ouais, je vais dire une chose. 74 millions, c'est beaucoup. Ouais. je vais dire une chose dans le magazine Brocante et Vide Grenier. C'est un des articles premiers où ils disent que ce film-là, donc Infernal Cop, est introuvable. Mais introuvable. Ah, tu veux pas le vendre. Mais non, tu ne peux pas le vendre. C'est pas possible. C'est un bijou. D'accord ? C'est comme ceux qui ont des 45 tours de Elvis, etc., ou de Bob Marley. Les gens ne revendent pas Infernal Cop, c'est-à-dire que tu l'as, tu ne le revends pas. Et les gens, en fait, c'est une denrée recherchée, c'est-à-dire que le DVD, à l'époque, il coûtait comme un DVD, je crois que ça devait être une quinzaine ou vingtaine d'euros, enfin, oui, dans ça. Ces eaux-là. Aujourd'hui, le DVD, il se rachète 4000 euros. C'est-à-dire que les mecs se ruent dessus, c'est devenu des cartes Pokémon, le truc. Non mais clairement, ouais, moi, mais ça vraiment, me rend ouf. Et j'avais vu un truc sur Amazon qui m'avait scandalisé, c'était la moitié du DVD, il était cassé. Ouais. 970. Mais bien sûr. Mais parce que les gars, en fait, le film n'est pas encore sorti au cinéma aux USA. Donc nous, on l'a vu au ciné. Bien sûr. Mais pas encore aux USA. Et ils ont dit, ça va être une bombe. Quand on sort au cinéma aux USA, on ne sort pas de DVD. Ils n'ont pas voulu nous produire. Donc les gens qui ont le DVD, ta grand-mère par exemple, le DVD va encore tripler ou quadrupler. Hein. Ah mais c'est sûr. C'est parce que les Américains vont vouloir l'acheter, ils iront sur le bon coin. Et tu peux en avoir une fortune. Hein. Ouais, bien sûr. Grand film de série B, quoi. Incroyable. J'ai envie de dire grand film de série B. C'est... Oh, il y en a plein, il y en a plein, oui, de grands films de série B. Bon film de série B, grand. Mais juste avant, donc il est venu dans Alabama Miss 4, qui était pas terrible. Très oubliable. Un gros fan. C'est Thomas le gros fan, vraiment. C'est Thomas qu'on avait parlé. T'es un grand fan. Bon, c'est pas terrible. Hein. Non, c'est vrai que c'est pas terrible. Après, bon bah voilà, c'était quand même un sacré coup de com. C'est vrai que le fait que le docteur Ulrich et tout revienne, moi je trouvais ça cool. C'était quand même un bon clin d'œil. Il est censé être mort deux fois déjà. Tu vois. Voilà. Surtout la deuxième où il a explosé. Enfin. C'est ça. Mais bon, il revient encore une fois avec juste une main en moins, comme vous l'avez dit, il l'a coupé avec son couteau. Mais voilà, non, j'ai pas envie de m'attarder parce que ça a été une vraie déception parce que je l'ai attendu longtemps ce film et au final pas ouf. Ouais. Bah, et puis je trouve ça vraiment facile d'être parti sur un truc crossover avec Sauver Willy et Air Bud. Tu fais ouais, le gars parle aux animaux, mais bon, là c'est peut-être un petit peu trop. Je sais pas, on n'a pas besoin de ça. Il parlait aux toucans, pourquoi maintenant il parle aux orques? Enfin, ouais, voilà. C'est surtout un orque qui joue au basket. Enfin, moi je trouve ça trop. Oui, le match de basket de fin où Air Bud est un peu en difficulté et Willy vient, et franchement j'ai pas trouvé ça génial. Enfin, maintenant tout le monde l'a vu, c'est un film qui est passé sur TF1 plusieurs fois les après-midi, tous les gosses l'ont vu. Maintenant, ils ont pris un peu notre licence, tu vois. C'était une licence, on était gamin, on avait l'aventurier avec à qui on voulait ressembler, tu vois. Et là, ils arrivent avec un truc tout public pour les gosses et tout. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça super nul. Ouais. Mais c'est vrai que ceux qui crachent sur Ghostbusters de 2016, vraiment, ils n'ont pas connu ce jeu de l'enfance. C'est un vrai viol. C'est plus notre héros. C'est devenu un film, c'est hyper commercial. Ils ont vendu énormément de figurines, hein, on est d'accord. C'était de la com. Il y a même, je sais pas si vous souvenez, mais la peluche où tu vois Willy avec Alabama Smith sur son dos, qui tient Air Bud sur ses épaules. Non, mais c'est trop loin. Vendu partout. Mais bien sûr, mais moi, ce qui m'avait un peu gonflé à cette époque-là, c'est que du coup, le zoo de Beauval avait surfé sur la vague de ce film-là, avec la vente de peluches dès l'entrée, avec des mascottes. Enfin, ça allait trop loin pour ce que c'était en fait. C'était trop. Ouais, c'était beaucoup trop. C'est devenu hyper cynique. Pour ceux qui s'apparentent à simple téléfilm, hein, oui, voilà, c'est ça. C'était pas génial, mais Infernal Cop a été vu par un grand réal qui s'appelle Quentin Tarantino. Ouais, ça c'est ouf. Ouais, et donc là, on peut le dire, c'est le retour de Kip Meyers. Il est revenu dans Mac, qui est sorti il y a 3 mois seulement, donc on va pas trop spoiler. Non, je pense que c'est pas le but. Film qui est nommé 8 fois aux Oscars cette année, hein, donc meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleur second rôle, pour Brad Pitt encore, qui joue cette fois-ci un chat après la licorne. Il s'est trollé tout seul. Il s'est trollé. Non, mais c'est l'autre qui a rigolé. Bah, personne n'a rigolé. C'est toi qui rigole. J'ai vu Tony se retourner. Ah, mais ça veut pas dire que j'ai rigolé. J'ai peut-être pété. Tout simplement, j'allais dire la fume casse. Donc, meilleure photo, meilleure musique, c'est lui encore qui la chante. C'est lui encore qui chante la musique. Meilleur costume, incroyable. Qu'est-ce qu'on a? Il a eu quoi comme. Meilleur montage. Meilleur montage, mais ça. Et meilleur décor. Tout truc technique quasiment. On a tous été voir le film pour l'émission. Bien sûr. Il vient à peine d'arriver chez nous. Hein. Oh. On a tous été voir le film. Le montage est excellent. Une claque. Incroyable. Mais moi, j'aimerais bien demander à Flonny de quoi parle Mac. Mac, en fait. Moi, j'attendais pas vraiment dans ce registre-là, mais moi, j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Où en fait, jusqu'à présent, on était sur des films d'aventure. On a eu des films à l'eau rose. On a eu film de boule, hein, clairement. Ah oui, ben on va pas se mentir. Hein. Et là, on est vraiment sur une tarantine, quoi. Vraiment une tarantine, c'est-à-dire quelque chose d'un peu burlesque. Rien à voir avec le dessert. Hein. Oh. D'accord. Tu sors. Tarantino. Okay. Je l'ai pas, une Tarantino. D'accord, ok. Bah, c'était vraiment de la merde. Et du coup, on est vraiment sur un Tarantino, donc beaucoup d'action, hein, toujours. Mais l'humour. Et c'est là où moi, en fait, il m'a bluffé. c'est niveau humour, ça c'est incroyable. Donc pour vous pitcher vite fait le film, hein, c'est un gars qui veut monter dans le, qui veut être stand-upper en fait. Et en fait, il va faire de comedy club en comedy club, etc. Et en fait, on voit toute une espèce de mafia autour de ce monde de comédie. Et en fait, lui, il se doute de rien. Il se doute de rien. Le mec arrive vraiment en mode, enfin dans le film, hein, bien sûr. Il arrive en mode ouais, je vais gravir les échelons, je vais rencontrer des gens, ça va m'aider, etc. En fait, c'est un monde de pourriture. Les mecs, bon bah il y a des scènes de tuerie assez exceptionnelles, ouais, putain, qui se passent. C'est chaud. Je prends notamment quand il est sur les routes Broadway, qui rentre dans le premier café théâtre où l'intérieur tout en velours là. Putain, mais non mais. Spoil pas, t'es ouf. Oui, pardon, excusez-moi. Spoil pas trop, mais ouais, c'est ouf. Ouais, non, cette scène-là est folle. Je peux rien dire parce qu'elle est au début, donc voilà, ça ne dit rien sur la fin, mais il peut l'expliquer. Oui, voilà, après, je peux juste l'expliquer. Oui, bien sûr. Pardon, excusez-moi. Juste pour parler de la scène un peu Tarantino, le mec rentre, on est typiquement dans un café-théâtre de Broadway, etc., tout étant, et c'est là où, c'est un génie, mais bon, bref, en velours blanc. Et là, le mec arrive, monte sur scène, il dégomme tous les stand-upers, le public est en folie, etc. Les jaunes, une rage de ouf, le public part, et ça part dans une espèce de baston de ouf. Kip Meyer, donc, du coup, arrive à s'en sortir. Je vous le dis, hein, il sort du café-théâtre, le velours, il est plus blanc. Le truc, c'est en... Il y a des taches de sang partout. Tuerie. C'est le parquet est incroyable, les scènes. Mais lui, les scènes vu qu'il a un spot dans la figure. Il ne voit pas tout ça. Mais non, mais c'est ça. Il fait son spectacle normalement. Le mec continue, tu vois. Le mec est assez incroyable, c'est qu'il est tellement dans son truc de stand-upper que le public part. Mais lui continue. Les mecs commencent à s'entretuer et tout, nanan. Il voit que dalle. Et là, en fait, il finit. Et en fait, la seule chose qu'il voit, des corps étalés par terre. Il se dit, mais où est-ce que je suis ? C'est là qu'il a la super punchline, Thomas. C'est là où il a la super punchline. Toi, si tu repasses encore dans ma rue, tu vas traverser avec un coup de pied au cul. Elle est incroyable. Et là, je me demande, et là, les gars, je vais peut-être être précurseur en disant ça, mais j'en suis sûr que les t-shirts qu'on parlait au début, ça va revenir. Ça va revenir. Ça va revenir avec cette phrase incroyable. Exceptionnel. Je vous l'ai dit, mais je suis incapable de la dire comme lui. Déjà, l'avantage de Kip Meyer, c'est que il fait aussi ses doublages en français, du coup les voix sont quand même assez sympas. Oui, il est suisse en même temps, c'est normal. En plus, avec son petit accent suisse, ça y met un charme. Et oui, c'est ça. Ce qui est dingue, hein, d'ailleurs, parce qu'il a improvisé la plupart des lignes en français, et le méchant, lui, en français, était doublé par Jean-Marie Bigard. Et du coup, t'as ce côté méta, où t'as des humoristes qui ont doublé les personnages d'humoristes dans le film. Non, mais c'est ça, et c'est incroyable. Et du coup, t'as Kev Adams qui se fait tronçonner. Ouais, bah, c'est incroyable. Et Gad Elmaleh qui accepte de jouer le rôle de celui qui pique les vannes à tout le monde. Moi, je trouve que c'est un super... Il y a une autodérision de ouf. Voilà. Il y a une autodérision de ouf. Tomer Sisley qui est littéralement en train de sucer Jerry Seinfeld. Enfin, vraiment. Oh non. C'est pas Seinfeld, tu vois, mais tu comprends que c'est lui. Mais bien sûr. Oui. C'est pas montré, mais on le comprend. Et, ouais, et c'est insinué quoi. Un peu au coin de la lèvre. Et ouais, bien sûr. Tu comprends que c'est une field quoi. Moi je trouve que, voilà, c'est de là. Et moi donc pour revenir juste vite fait sur ça, l'aspect comique de Kip Meyer, ce qu'on n'avait pas encore. Bah en fait, moi, je l'ai redécouvert encore. C'est une autre facette de son jeu qui est juste incroyable. Un sans-rire total. Bah, il a un rythme dans les dialogues. Mais c'est ça. Mais c'est de partout. Enfin, et le mec a un rire communicatif, son rire qu'on avait très peu entendu. Le mec a un rire communicatif de l'autre monde. Enfin, moi, j'ai suradoré, quoi. Mais vraiment. Enfin, vraiment, après, moi, je le conseille vraiment. Le rire de Christophe Lambert, c'est peut-être mon deuxième rire préféré. C'est vrai, bien sûr. Mais bien sûr. Ouais, bah, Florent le connaît par cœur et limite trop bien. Ah, putain, tu me gênes. Attends, j'adore. putain, c'est trop bien. Moi, je sais les émotions que ça procure. Non, mais on s'y croyait, hein. Mais je l'entends. Putain, j'adorerais qu'il me le refasse. Je ferme les yeux, c'était Kip Meyer, ça. Attends, je vais. Attends, on va le refaire. Juste, je veux entendre parce que. C'est incroyable. Moi, la poésie. Le moment où il fait ça, quand il tombe sur le cadavre de Kurt Russell et qu'il croit que c'est pour rire, non, et qu'il fait incroyable. Ce rire, ah ouais, c'est mort de rire. Au cinéma, on était écroulés. Bah, moi, j'étais, j'étais... Après, faut pas trop spoiler non plus. Non, non, non, non. Après, ouais, après voilà, je pense qu'il faut pas aller quand même de Kurt Russell direct. Doucement. Mais c'est début du film. C'est début du film. C'est dans la première méchant. Mais quand même, déjà. Le grand méchant, il y a personne qui peut douter. C'est un des plus grands acteurs du monde. Et personne peut douter que c'est lui, quoi. Thomas, t'as aimé ce film ? Moi, j'ai vraiment aimé ce film. J'ai envie de croire à l'Oscar. Je me dis que ça serait une si belle conclusion de entre guillemets de carrière, même si on pense qu'il a encore. Là, il est relancé. Avec ce film, il est relancé. Mais après, on pourra plus le voir. On pourra plus le voir dans ce qu'on l'a déjà vu, dans ce qu'on l'a aimé dans l'action ou autre. Je pense que là, ça a des rôles peut-être un peu plus calmes. Un peu à la Robert De Niro qui fait les nounous maintenant pour des enfants par exemple, ou des comédies romantiques, des choses comme ça. Et voilà, j'aimerais qu'il y ait un petit Oscar pour lui parce que ça me ferait plaisir. Puis comme vous l'avez dit, il le mérite. Il y a des vrais punchlines. Il le mérite. Bien sûr. Quand il dit à Kurt Russell, comment il lui dit, si les cons faisaient du gaz, essaie de pas faire d'étincelles. Enfin, tu vois, des choses comme ça. Vraiment, il est très bon. Il est très bon à ce niveau-là. Ouais, non, mais c'est sûr. Les punchlines sont incroyables. C'était un plaisir. C'était un plaisir de le retrouver de nos jours. Mais il a vieilli. Il a vieilli. Il faut être sincère. Après, moi, j'en ai pas parlé, mais moi, ça m'a fait un peu mal parce que là, en fait, j'ai vraiment vu un coup de vieux où le mec était un peu éternel, etc. On dit ouais, c'est oui, voilà. Bien sûr, mais tu vois c'est ce que normal, je veux dire. Mais c'est normal. C'est normal. Mais après, ouais, mais ça fait toujours quelque chose. Torse nu, de drogue. Quand il se met torse nu, il est dégueulasse, quoi. Ouais, bien sûr. Il est toujours baraque. Mais après, il est toujours baraque. Le mec ouais, s'entretient. Baraque vieux, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Tu sais, les cheveux blonds, le. Il y a moyen. Les cheveux blonds. Après, je sais pas si vous avez vu, mais on entrevoit sa couche. À travers son pantalon, enfin, c'est des trucs comme ça où si t'as un œil un peu aguerri, ça brise le mythe. Mais ça n'empêche que ça reste l'acteur qu'on aime, ça reste du Keith Myers. Ça, voilà. Après, il y a les cheveux blancs, il y a comme on dit la couche. Mais après, le mec reste baraque, tu vois. Le mec ne. Bah oui, évidemment. Ah, moi, j'aimerais bien. J'ai 30 ans de moins que lui. J'aimerais bien avoir le même corps. Quoi. Mais c'est clair. Et puis le mec, il se bat avec sa canne. Enfin, non, ah, t'as 30 ans de moins que lui. Son âge dans le film. Hein. Vraiment, J'aurais dit plus. Ah, t'es si vieux. J'aurais dit moins. J'aurais dit peut-être 5 ans d'écart, mais bon, voilà. C'est... Je rigole, Chris, ouais. C'est bon, c'est Laval. L'enfoiré. Mais écoutez, je crois qu'on a fait le tour de Keith Myers. Je voulais juste rappeler l'anecdote que Spielberg raconte souvent sur lui, qui était incroyable. Donc Spielberg tournait un film avec lui, The Wall, à Rome. Et un jour, ils apprennent qu'il y a le pape qui va s'exprimer devant tout le monde. Et donc Spielberg dit à Kip, viens, on va voir le pape, j'en rêve. Donc il y a une foule avec 1 million de personnes. Et ils arrivent tous les deux. Et le pape, il sort et directement, il remarque Kip Meyers, quoi. Et il dit, Kip, viens à côté de moi, tu vois. Et donc Kip est monté à côté du pape. Et à un moment, Spielberg raconte toujours l'anecdote où une petite vieille lui dit... c'est qui l'homme en blanc à côté de Keith Myers, là, c'est incroyable. Ça explique à peu près vraiment l'aura qu'a ce mec. C'est ça, et même l'audace du mec, hein. Parce que t'en parles pas, mais le mec arrive quand même devant le pape, d'accord. On est quand même devant une entité clairement du Vatican et du monde entier. Et le mec le regarde et sort. Oh, ça va, le papo. Enfin, un truc comme ça, tu vois. Et le mec, le pape, mort de rire, genre en deux, le pape, tu vois. Et tu te dis, mais frère, comment tu peux oser, tu vois. Enfin, t'es devant une grandeur internationale. Le mec, ouais, salut, le pape, oh, ça va. Et là, le pape part en barre de rire, genre plié. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire. Ouais. Il a un côté très humain parce que quand il avait vu la reine d'Angleterre pour la première fois et qu'il l'avait checké. Ah, vraiment, à ce moment-là, tu t'es dit. Il lui a touché les fesses. En partant, il lui touche. Oui, c'est ça, il lui claque en plus les fesses. Non, mais c'est ça. Et même là, tu vois, rigole. Tu vois. Il m'a enfilé les petites sœurs. Et puis au final, en fait, il y avait le côté hyper humain. Mais c'est ça, humain. Et tu vois, les gens. La reine n'a rien dit. Mais non, mais elle a rigolé. Elle a même ri. Et c'est ça qui est ouf. C'est que le mec, avec des gens comme ça, super, tu sais, droit dans leur image, etc., le mec peut les faire vriller en 2-2 parce que du coup, il va sortir la petite vanne, le petit geste, la petite main au cul qui fait que. La personne va rire, quoi. Et c'est incroyable. Il avait mis mal pris de sa part. Ouais, mais je me rappelle, il avait aussi pris la tête de Vladimir Poutine, il avait mis le nez dans la moutarde. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais non, mais c'est pas possible, ça va être la merde. Et en fait, non, pas du tout. Il a rigolé, ils s'en fait une photo avec un autre. Et du coup, juste pour aller un peu plus loin dans Vladimir, hein, le truc, c'est qu'il avait été interviewé. Dans Vladimir, non, peut-être pas dans Vladimir, mais dans l'anecdote de Vladimir. Non. Mais il y avait une interview sur ça, et les gens, en fait, étaient un peu subjugués en disant, mais Vladimir, enfin, on connaît un peu votre statut, et pourquoi vous avez rien dit, et pourquoi vous avez ri, surtout, quoi. Il a dit, mais. Qui a déjà osé me faire ça? Qui a déjà osé me faire ça? Et en à fait, Alabama Smith. Ouais, bah non, mais et le gars, en fait, si tu veux, il a dit, bah en fait, moi, j'étais surpris. Et en fait, j'ai trouvé que le mec avait une audace assez incroyable. Et en fait, bah, on s'est regardé. Il y a nos regards qui se sont croisés. En fait, on a explosé de rire, quoi. Et c'est ça où c'est fort, en fait. C'est très fort. Mmh. Moi, je pense, j'aimerais bien que vous me disiez rapidement ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que la plupart des Américains aujourd'hui, dans les intentions de vote, se disent, bah voilà. C'est vrai que 2025, on verrait bien, finalement Bernard Bouloche à la tête oula, des États-Unis. En 2024, par contre. Ouais, non, mais c'est 2024. Il y a des sondages qu'il annonce au deuxième tour contre The Rock. Bah oui. Ça risque d'être, de grandes élections. Est-ce que juste vous y croyez? Est-ce que vous pensez qu'il va le faire? Est-ce que ça serait une bonne idée? Moi, je crois pas. Je crois qu'il n'a pas besoin de ça. Moi, j'ai envie de dire, est-ce que c'est une bonne idée? Non. Les Républicains, ils ont toujours aimé des stars. Ouais, bien sûr. Ils ont voté Reagan. Le gars, il met un tweet, il te change l'opinion de tout le monde. Il n'a pas besoin d'être président. C'est sûr. Il n'a pas besoin d'être président. Il n'a pas besoin de ça. Il a juste besoin de ses réseaux sociaux. Il met un tweet et bim, c'est changé. Le mec a tellement une aura. Mais ouais, voilà. Moi, après, je suis pas forcément pour qu'il soit président des États-Unis, parce qu'en fait, il a encore ce pouvoir, comme on dit, un tweet. Même si là, avec Donald Trump, etc., on l'a vu. Hein, on a déjà vu cette année et l'année dernière Trump qui prend une décision, Kim Mayer qui balance un tweet retweeté. Le dernier retweet qui avait 3 200 000 fois, incroyable. Ouais, c'est ça. C'est en 10 secondes. Oui, ça a été super vite. Et le truc qu'il y a, c'est que là, tout le monde s'attendait à une réponse de Kip. Hein, oui, mais bien sûr. Et en fait, si tu veux, non, voilà. Kip, il a fait la flemme. Tout le monde a fait. Ouais. Ouais, non, mais grave. Il a parlé de ça. Il a parlé de la flemme, etc. Et même, il a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous rappelle que il a parlé notamment de sa telenovela, ce qui était au Mexique. Il a dit, mais sans Mexique, je serais rien. Et à partir de là, déferlante de tweets, etc. Le mur Mexique n'existe pas. Moi, j'ai juste ça. Il n'y a pas que des violeurs dans les caravanes mexicains, il y a aussi des tortillas. Les assistants réalisateurs de Mi Playa. Ouais, voilà, c'est ça, etc. Bien sûr. Et en fait, le mec tweet ça, boum. Et en fait, si tu veux, moi, je pense qu'il a un peu ce rôle, un peu de. Pour contrer un peu les idées du gouvernement. Et je pense que s'il est à la tête du gouvernement, ça sera trop parfait. En fait, on l'envierait tous. On dirait tous, ouais, mais c'est lui qu'il nous faut dans notre pays. Ouais. Et ben non, soit là pour justement dire, non, là, c'est pas ça qu'il faut, quoi. Tu vois ? C'est clair. Moi, j'ai surkiffé son tweet d'il y a 2-3 jours. Donc, le président américain était opéré du. Enfin, il a reçu une coloscopie. Il a tweeté cool, on va encore être gouverné pendant 1h30 par un trou du cul. Et moi, j'ai trouvé ça super drôle de sa part. Mais c'était super drôle. Il a dit j'ai fait énormément de films, mais c'est le premier film de merde que je vois, quoi. J'ai trouvé ça énorme. Ouais, bah. J'ai trouvé ça énorme. C'est clair. C'est clair. Moi, j'étais au fond d'un cul, c'était dans Levrette au lac Clément. Enfin, voilà. Ouais, c'est mon degré de fou sur sa carrière. On a oublié de dire, il a quand même pas mal de relations. Donc, baiser. Outre Josiane Balasco et Salma Hayek, il a eu Julia Roberts sur le tournage de L'amour sur trois étages. Donc Julia Roberts, il a eu Jennifer Aniston, oui. Kim Basinger, Mimi Mati, Jennifer Lewitt, Jean Reno, c'est un peu plus spécial, Robin White, Gwyneth Paltrow. Le mec, on apprend ça dans sa biographie From Bernard to Kip. Oui, c'est vrai. Et là, on se dit, voilà, alors que maintenant, il est avec une costumière, hein. Je veux dire, ouais, le gars, il ne pas au succès, c'est juste l'amour en voilà. Elle s'appelle Janet Holloway, et puis voilà, c'est une costumière. Elle a travaillé un petit peu sur Alabama Smith 4, c'est là qu'ils se sont rencontrés, et voilà. Ouais. Comme quoi, de ces mauvais. de cette mauvaise expérience, il y a quand même quelque chose de bah, ouais, sorti, ouais, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, c'est clair, bah, il y a ce 12e enfant qui va naître, et franchement, il sait que ça se passe super bien, quoi. Bon. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter, effectivement. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Bah, c'est merci, un grand merci. Homme, hein. C'est un grand merci homme. Merci à lui, ouais. Surtout. Pour ouais, bah, merci, oui, merci à Kip. Tout à fait, hein. Merci Kip. Kipou, si tu nous entends. Maintenant, j'ai demandé à Grey, en tant que présentateur de Qu'est-ce qui devient, on a fait Kip Myers. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant, quoi ? Je veux dire, on a fait le sommet. Bah, j'ai envie de dire vivement que ses fils et ses filles s'y mettent, quoi. Ah, parce oui, que bah, je pense que c'est un peu la relève. Ouais, clairement. En vrai, je sais pas, Chris, je pense qu'on va pouvoir peut-être arrêter le podcast après ça, parce qu'on peut pas faire plus haut que Kip Meyers. Bah, c'est ça. On pourra pas aller au plus haut, donc je sais pas, peut-être Kurt Russell, mais voilà, vraiment. Ouais, mais, ça se tient. Ses enfants vont arriver, hein. January Meyers, February Meyers, March Meyers. Franchement, et ces 12 enfants risquent d'avoir du talent, et moi je me réjouis vraiment de les voir. Bien sûr. Surtout qu'il y en a, quand tu vois les photos, tu dis voilà. Ils vont percer, il y en a un qui a 17 ans, oui, et il est sûr. Déjà en train de... Voilà, après, Il est en couple avec Megan Fox actuellement. Oui, c'est ça, on a déjà vu Kip Junior dans Miley Cyrus lors du Fappening, voilà. Ouais, non, mais c'est pas mal, ça commence à arriver. Après, j'ai envie de dire, pour Qu'est-ce qui devient, on sera pas forcément tout le temps avec vous. Moi, je peux vous balancer sur une piste. Hein. Je peux vous balancer sur une piste, on peut le faire un peu à la française, hein, en étant un peu chauvin, j'ai envie de dire. Désolé Chris, pour la Belgique, mais après, t'as sûrement des acteurs en Belgique qui sont fantastiques. Écoute, on a eu Jean-Claude Van Damme et Poulvord. Ouais, voilà, c'est ça. Mais moi, je pense pas que vous puissiez passer à côté de Sophie Rabalan. Sophie Rabalan, très grande actrice française, et je pense que c'est... Alors, on n'est pas sûr du Kip Myers, mais je pense qu'il faudrait le faire. On n'est pas loin. Écoute, Sophie Rabalan, enfin... si l'épisode marche bien... deuxième partie de la deuxième saison, on se fait une Sophie Ravalan. Moi personnellement, je serais pas là. Non, je rigole. Non, vraiment, la date que vous m'avez dite là, c'est pas possible. En vrai, pour de vrai, si vous faites ça. Clairement, vous pouvez compter sur moi. Ah ouais, bah Sophie Ravalan, les gars, on parle. Ouais. Bah, écoutez, on va en garder un peu sous la pédale parce que Sophie Ravalan, c'est. Voilà. On fera une Sophie Ravalan. C'est vrai, je vous l'avoue, je suis un peu amoureux d'elle, vraiment. Je kiffe. N'en dis pas trop, on en garde pour la prochaine fois. On va pas tout dire, mais c'est vrai qu'elle est incroyable. Elle est incroyable. Eh ben, Grey. Oui. Merci d'être venu dans cet épisode parce qu'on s'est encore bien amusé. Mais de rien, toujours avec plaisir. Merci à nos invités, que moi je connaissais pour la première fois, mais qui sont déjà venus dans l'émission, et qui sont des guests qualitatifs, on va dire. Très qualitatifs. Bon, Thomas, on va essayer de te transférer, parce que donc on attend le mercato de janvier, parce que tu as été excellent. Donc je vais te faire une offre que tu vois, ils ne pourront pas s'aligner. Je suis assez... Si, on lui proposera des émissions de moins de 3 heures. Ça est bon, il n'y a pas de souci. Ouais, ben on va essayer de te transférer en janvier parce que t'as été excellent. Florent, je te kiffe. On se cherche souvent, mais je te kiffe. Flonny, t'es excellent aussi. Merci, mais par contre, moi, j'ai pas de proposition. Ok, super. Non, mais merci, t'inquiète, y a pas de souci. Non, parce que toi, tu es un peu collé à Florent. Je veux dire, non, autant, pas vraiment. C'est que Florent, enfin, vous êtes une entité, tu vois. Tu es son double maléfique, tu vois. Exactement. Et je peux pas. Ouais. Non, mais je comprends. Mais après Thomas, en fait, nous, on est déjà un peu, des professionnels. Thomas, c'est encore un diamant brut que vous pouvez polisser à votre image. Il est encore jeune. C'est encore un bébé. Hein. Donc vous pouvez faire quelque chose. Je comprends. Adorait polir Thomas. Donc non, c'est. Je crois que c'est sa copine qui aime me polir. Enfin, c'est un truc dans le délire. De toute façon, c'est comme ça. Enfin, ça se prête mutuellement. Enfin, voilà. On aime se polir. J'ai envie de dire, polissons-nous, quoi. Polissons-nous. C'est ce qu'il dit. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Polissons-nous. Et surtout, polissons-nous. C'est ça. Le film qui claque, polissons-nous. Ouais, c'est ça. Ouais. franchement. En tout cas, merci les gars. C'était merci de nous avoir permis aussi de parler de Keith Myers parce que c'est eux qui ont piraté nos ondes. Hein. Oui, aussi. C'est vrai. Faut pas oublier. Mais moi, ça a été un vrai plaisir. C'était la première fois que je vous rencontrais, les gars. Et franchement, de rencontrer des gens qui sont aussi assidus que nous dans la préparation de chroniques, etc. Moi, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Alors, je sais pas si c'est bon avec des professionnels. Non, mais je sais pas si c'est un avantage. Enfin, c'est une qualité du coup pour vous de travailler comme nous. Mais en tout cas, c'était vraiment cool de se retrouver, quoi. Ah bah c'est dire qu'on travaille pas vraiment, c'est avant tout du plaisir. Oh, et on aura un épisode de prévu donc sur qui Sophie Ravalan. Sophie Ravalan. Donc on aura un épisode sur Sophie Ravalan aux alentours du mois de mars par là. Je pense. Épisodes. Ok. J'ai déjà plein de vannes sur son nom de famille. Quoi. On va bien s'amuser. Bah les gars, un grand merci à vous tous. Merci à vous, les gars. Je vais dire mon truc et puis toi tu diras. Je vais dire ton truc, tu diras le mien, hein, Florent. Non. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode de Cube Dreams. Ben voilà, c'est tout, c'est fini. Il a tout mal. Non, et merci de nous avoir suivis dans cet épisode de Qu'est-ce qui devient ? C'est toujours un plaisir de vous parler des acteurs, des réalisateurs de cinéma comme ça, avec Grey, avec Chris, avec Thomas, avec Flonny et avec moi-même. On se donne rendez-vous quand ? La semaine prochaine ? Eh oui, la semaine prochaine. Évidemment. Voilà, pour un nouvel épisode de Culture Ims. Et n'oubliez pas... Qu'est-ce qui vient aussi, hein. Peut-être. Non, pas vraiment. Pas ouf. Et surtout, culturez-vous. Bah non, j'ai envie de dire... Et surtout, bah, polissez-vous. On va rester là-dessus, à trois, on le dit tous. Voilà. Et surtout, polissez-vous. Sing dich, Lassie! Sing dich, Lassie!